Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. Histoire de fans de comics, c'est une émission, un petit podcast où je m'amuse à inviter des gens que j'apprécie tout particulièrement pour leur parler de leur rapport aux comics, essayer de connaître un tout petit peu leur parcours de lecteur. Et puis on voit au fil de la discussion où toutes ces questions nous mènent, et puis généralement ça donne quelque chose d'à chaque fois un petit peu original et particulier. Et ce soir c'est encore plus particulier que d'habitude, mais je dis ça à chaque fois, donc soit à chaque fois je monte en gamme, soit je suis un menteur, mais on va dire que ce soir je suis monté en gamme, ça m'arrange, je préfère ça qu'être plutôt un menteur. Mais j'ai le plaisir de recevoir Xavier Lancel. Bonsoir Xavier, comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien, j'espère que tu vas bien et que les éditeurs vont très bien aussi. Je suis très content, merci beaucoup de cette invitation, surtout que c'était quelque chose qui traîne depuis un an en fait, qu'on doit faire depuis un an. Ouais, c'est vrai, c'est un an déjà, oh la vache, j'aurais dit 6 mois moi, tu vois. Peut-être, oui. Allez, on va dire un an, hein. Mais bon, j'expliquerai pourquoi aussi on nous coupe, personne n'a entendu parler de Scarce depuis 9 mois, pourquoi il y a eu ce long blanc. Et du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, déjà je vais dire bonsoir au chat, parce que c'est la première fois que je fais une histoire de fan de comics en live. D'habitude c'est un format que je préfère un petit peu plus intimiste, pour que mes invités aient plus de facilité, tu vois, à pouvoir libérer leurs paroles sans la pression des gens qui regardent. Mais ce soir, étant donné que toi tu passes bien devant la caméra et que tu es chaud au niveau des lives puisque tu en as fait un hier, on a décidé, ou remarque, j'en ai fait un aussi hein, du coup, on a décidé de tenter l'expérience en live. Comme ça permettra aux gens qui ne sont pas devant Liverpool Real de Madrid de pouvoir nous poser des questions, et puis on réagira au fur et à mesure. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, parce que je suis à peu près certain qu'il y a énormément de gens qui te connaissent. Oui, c'est pas Beyoncé. je suis Xavier Lancel, je suis lyonnais d'origine, lillois depuis un an et demi, et je suis le rédacteur en chef de Scarce depuis 2009. Et je participe en fait à la revue depuis 23 ans, depuis 1999. Et voilà, donc gros fan de comics, bien sûr, on pourra en parler plus en détail. Et donc j'occupe le poste de rédacteur en chef, de trésorier, de correcteur, c'est moi qui envoie aussi qui m'occupe de la gestion. Voilà, bon, c'est passionnant en fait comme travail, totalement bénévole, bien sûr. Et alors du coup, j'allais dire que c'est un petit peu particulier cette émission, parce que c'est vrai que généralement je m'intéresse beaucoup au parcours de lecteur. Mais on va pas pouvoir faire une émission de 6 heures. Donc forcément. On va me lancer là-dessus, moi. Forcément, je vais, alors pas réduire le truc sur le parcours de lecteur, mais je sais que j'ai envie de te parler. J'ai envie que tu nous parles de Scarce. Je risque de fourcher, hein. Parce que on peut dire les deux. Est toujours pourri. Ça tombe bien, parce que moi, ça sera plus Scarce, hein. Du coup, je vais pas te mentir avec mon accent. Mais du coup, j'ai très, très envie qu'on prenne un temps dans l'émission pour que tu nous parles de ça, de ce que c'est, cette fabuleuse aventure, nous présenter vraiment la totale. Et puis aussi, de ta nouvelle aventure qui a commencé il y a quelques mois, puisque je crois que tu es désormais libraire. Oui, tout à fait. Alors, je suis libraire d'appellation, mais je suis un libraire un peu spécifique, puisque j'ai ouvert la première librairie, a priori au monde, consacrée à l'auto-édition. Des ouvrages édités et distribués directement par leurs auteurs. C'est ce que vous voyez qui se développe de plus en plus sur les plateformes de crowdfunding, par exemple. Et c'est quelque chose dont j'avais remarqué l'évolution depuis le début des années 2010, depuis que Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank, toutes ces plateformes sont apparues. Et c'est une sorte de continuité finalement de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, puisque quand on réfléchit un petit peu, les fanzines, c'est un peu l'ancêtre de l'auto-édition, dans un certain sens. Et les comics se tournent aussi de plus en plus vers l'auto-édition, parce que les éditeurs, des fois, n'ont pas finalement grand chose à offrir aux auteurs. C'est encore plus vrai en France, hein, où la situation des auteurs est vraiment catastrophique. Et donc j'ai ouvert cette librairie à Lille, tout mon déménagement dans le Nord. Donc j'ai déménagé il y a maintenant un an et demi, juste avant le confinement de janvier 2021, 2 jours avant. 2020. On est quoi, en 2022? Non, 2021. Ou une sorte de couvre-feu, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref. Ouais, ils nous ont tout fait, de toute façon. On a eu un peu tout. Non, je crois que c'était 2021. Et donc, on m'a suivi pendant 6-7 mois sur ce projet. Et j'ai eu plein de coups de chance successifs qui font que j'ai pu ouvrir ma librairie en novembre 2021, alors que je pensais vraiment que ça allait être sur 2022. Et puis, ça fait presque 6 mois maintenant et ça se déroule bien. Et voilà, spoiler, c'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, comme pour Scarce, qui n'arrive jamais à tenir ses délais de revue trimestrielle, d'ailleurs on a arrêté à me dire qu'elle était trimestrielle, quadrimestrielle, mais même ça on n'y arrive pas, j'ai totalement sous-estimé la somme de travail qui demandait la création d'une telle entreprise. Mais là j'arrive un peu au bout des efforts de création du départ, et je vais à nouveau redéménager bientôt sur l'île, parce que je n'ai pas pu trouver sur l'île directement. Et donc, ça va me libérer du temps que je vais pouvoir consacrer à Scarce à nouveau. Voilà. Et bien, ça, c'est cool. Ça, c'est une excellente nouvelle. Juste avant de commencer, je voulais quand même dire aux gens comment moi, j'avais fait ta connaissance et surtout comment j'avais connu Scarce. Parce que je ne connaissais pas moi-même jusqu'à il y a peut-être 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et il y a un youtubeur que je cite très régulièrement, qui est un ami, qui s'appelle Le French Geek. Vous pouvez maintenant retrouver, il a changé de chaîne, maintenant ça s'appelle Les Comics du French Geek. Et c'est un amoureux de Scarce depuis 25 ans, enfin ça fait des années et des années. Et régulièrement, il me tannait en me disant, mais tu connais pas Scarce, il faut absolument que tu lises, regarde ce que c'est, et machin, et patin. Et j'ai commencé à regarder, et je m'y suis intéressé, j'ai trouvé ça super bien. Et après, il a embrayé en disant, mais il faut absolument que t'essayes de l'inviter, essaye. Et moi, j'osais pas, parce que je suis un peu timide. Je sais que ça peut paraître un peu fou, hein, de dire que je suis timide et de me mettre devant une caméra, mais j'ai du mal de temps en temps avec des personnes, de passer le pas et de tenter l'invitation, ni plus ni moins. Et je suis tombé sur toi, d'une gentillesse incroyable, d'une érudition incroyable aussi. On a préparé l'émission il y a bien 6-8 mois, peut-être un an effectivement maintenant. Et je crois qu'on a fait une émission. En fait, on est resté 2 heures à papoter comme deux vieux. et c'était génial. J'ai passé une super soirée. Et à mon avis, les gens qui nous écoutent vont passer une super soirée aussi. Est-ce que je vais pas commencer avec mes petites questions maintenant? Allez, go. La question, la première, pour connaître un petit peu ton parcours de lecteur, comment tu as rencontré les comics? C'est à quel moment ça s'est fait dans ta vie? Comment? Avec quoi? Je me rappelle très bien. Alors, c'est à cause de mes deux frères, qui sont plus âgés que moi. Moi, je suis le plus petit, ils ont 4 et 5 ans plus que moi. J'ai appris à lire très jeune. À la campagne, en fait, où on passait les week-ends et les vacances scolaires chez mon père, il y avait un coffre qui était rempli de BD Lugues que mes frères achetaient. Et très tôt, je pense que je devais avoir 7-8 ans, du coup, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me disais, ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a des gars en collant, machin, des aventures super-héroïques. Je ne comprenais pas du tout que c'était américain à l'époque. Ouais. Je pensais que c'était des Français qui faisaient ça. Et puis, du coup, j'ai attrapé le virus. Et puis, comme ils les achetaient, du coup, c'était facile. Moi, j'avais plus qu'à lire. Le coffre était rempli. Ils achetaient absolument tout ce qui sortait chez lui, excepté les gros albums. Mais Titan, Nova, Speeday, Special Strange, la totale. Et moi, du coup, je me souviens, le moment où ils avaient commencé à les acheter, donc le moment où j'ai pu farfouiller en bas du coffre pour commencer à les lire, je me souviens, ça devait être le Strange 123 ou 119, quelque chose comme ça, où il y avait ça s'ouvrait sur un excellent épisode de Daredevil par Bob Brown et Klaus Johnson, si je me souviens bien, dessinateur. Et c'était l'épisode où ils combattaient la torpille dans un ghetto de Harlem. Et en fait, ils se tapaient dessus. Et à la fin, ils détruisaient la maison d'une pauvre femme qui était avec son enfant et qui, à la fin, hurlait sur Daredevil en disant « Mais vous êtes complètement taré, regardez ce que vous avez fait de ma maison. » Et les deux n'arrêtaient pas de se taper dessus, ils n'avaient pas vu qu'ils avaient complètement détruit son foyer et qu'en fait, elle n'avait plus de baraque. Et un excellent épisode, en fait, pour commencer les comics. du Daredevil, alors, comme premier épisode. Bah, du coup, c'était ça qui ouvrait Strange. Ouais, je me souviens de ce premier épisode. Ouais. Et puis après, 6 mois après, il y a Rome qui est arrivé dans Strange. J'adorais ça aussi. Et puis, bah, c'était la meilleure période pour commencer les X-Men. C'était juste avant la mort, ouais, de Grey et tout. Et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'en... Alors, ça doit être... C'était le Strange 179 ou 180, où là, un drame est arrivé. Mes frères ont arrêté d'acheter toutes les publications Lug parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus intéressant, les filles. Donc, ils se sont dit, on va arrêter de lire ça et on va passer aux filles. Et moi, j'étais là, bah merde. Bah du coup, il y a pas pour les filles. Et donc, c'est moi qui ai commencé à prendre le relais et à les acheter. Pour les débuts. D'accord. Et t'as d'autres. Et tu lisais d'autres trucs quand t'étais gamin, même hors comics ou. Alors, mon accès à la lecture, c'est fait par les comics. Plus tard, ça devait être au collège, effectivement, où je me suis mis à lire plein de romans, etc. Donc, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le point de départ, c'est les comics. C'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant comme parcours. Souvent, les parents peuvent avoir peur, disent « Ah bah non, il lit des comics, il ne va pas lire de romans », mais il ne faut pas penser comme ça, en fait. C'est un accès à la lecture, c'est quelque chose qu'on lit bien quand on est enfant. Et puis après, de soi-même, on va aller regarder d'autres choses. C'est pas un problème. Je vois souvent, dans la librairie, j'entends souvent ça, cette peur par rapport au manga, ce qui est complètement idiot. C'est quand même la même chose que les comics à notre époque, c'est-à-dire il y a des gamins qui lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas, ils ne lisent pas de romans. C'est pas grave. Ça leur fait un accès à la lecture, c'est très bien comme ça, et puis peut-être qu'ils toucheront à la littérature classique à côté, mais faut pas les forcer, ça viendra, c'est une curiosité naturelle, ça viendra d'eux-mêmes. Ça, tu vois, je suis assez d'accord avec ça. Et le plus important, je pense que pour n'importe quel gamin, c'est d'essayer de susciter un peu, tu vois, cette envie de lecture. Il y a forcément un genre, un style, quelque chose avec des images, sans images, tu vois, où les gens ils peuvent avoir enfin une certaine appétence. Et le plus important, c'est de trouver ce petit truc qui à un moment donné va leur donner envie de passer le pas, hein, ni plus ni moins. Alors, juste pour une petite anecdote, parce que j'ai des enfants et je sais que dans le chat il y en a plusieurs qui peuvent avoir des enfants et ce genre de choses. Moi, mon aîné, tu vois, alors. On était avec ma femme dans l'idée de semi-contrainte, si tu veux, pour l'obliger à lire. C'est-à-dire qu'il y a une belle bibliothèque à la maison, hein, nécessairement, avec tout un tas de trucs. Et à partir d'un certain âge, les week-ends, on est parti du principe qu'il pouvait veiller un petit peu plus, parce que le lendemain, il n'y avait pas école. Mais il pouvait veiller, et aucun problème. Mais par contre, c'était pour lire. Sinon, il ne pouvait pas veiller. Ah. Torture psychologique pendant 24 heures. Il a bien essayé de venir dire oui, mais s'il joue gentiment, non, soit tu lis, soit tu vas au dodo. Mais l'envie de ne pas aller se coucher étant la plus forte, nécessairement, eh ben, il ouvre un truc, il ouvre deux trucs, et c'est mort. Ça n'a pas mis une semaine avant qu'il trouve quelque chose qui lui plaise vraiment, et que voilà, il est. Non, maintenant, bah, tu vois, le soir, c'est son petit rituel, il bouquine avant d'aller se coucher, et puis le pli est pris. Une semi-contrainte. Je suis un salaud, mais à moitié, tu vois, un demi-salaud. L'autre moitié, c'est pour ma compagne, puisqu'on était deux sur le coup quand même. Hein. Et voilà. Et bonsoir à Spider-Matt, à mon pote, évidemment, SN Parod, aux comics du French Geek, à Vincent Dramout. Voilà, ils sont tous là, le néophyte des comics. Alors, c'est ce qu'on disait, hein, voilà, faire une émission un soir de finale de Ligue des Champions. Vous êtes que 17 dans le chat, mais vous êtes les 17 qui aiment pas le foot, hein. C'est bien, c'est sympa. Merci les copains. Et du coup, si on passe un petit peu à ton adolescence, généralement, tu vois, tu l'as très bien dit avec le parcours de tes frères, généralement, c'est toujours une période où il y a peut-être un peu moins de lecture. Parce que l'argent de poche n'étant pas extensible, on préfère s'adonner à d'autres loisirs. Tout aussi intéressants, mais voilà, différent. Et du coup, est-ce que tu as quand même continué à lire des comics quand tu étais ado? Alors, j'ai continué jusqu'à... Je pense que ça correspond à peu près vers le Strange 230, 240, je me souviens très bien de ce genre de truc. C'était sur les derniers numéros de Jim Lee sur Alpha Flight. D'accord. Et c'était le moment, donc on arrive au début des années 90, où commencent à débarquer toutes les espèces de crossovers, les longs machins en 18 parties, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas Suprême Carnage, mais un truc comme ça, Maximum Carnage. Ouais. Il y avait Venom qui débarque, il y a le Rob Liefeld qui débarque sur New Mutant. Chez Lug, ça fait plusieurs années qu'ils commençaient à faire ce qu'on appelait des versions intégrales, où il n'y avait que deux épisodes de chaque série, mais ça coûtait beaucoup plus cher que les... Donc on pouvait plus tout suivre, il y avait Ghost Rider qui arrivait, le Punisher. Et ça correspondait à peu près à l'année où j'avais 18 ans, 18, 19 ans. Et ça correspond en fait à la période où je suis parti de chez mes parents, j'ai commencé à bosser. Et puis contrainte économique. Alors c'est pas ça qui m'a fait vraiment arrêter. C'est qu'en fait, du coup, il y avait un décalage. Je faisais mes études en même temps que je travaillais, j'avais pas beaucoup d'argent. Et en plus, ça commençait à plus vraiment me plaire. Le courant des années 90 des comics, franchement, le courant, tout ce qui est un peu négatif des comics des années 90, ça m'a vraiment un peu dégoûté des comics. Donc j'ai arrêté totalement de lire des comics. Et ce qui est marrant, c'est quelque chose comme 4-5 ans après, je me souviens, je me promène dans une grosse librairie et je tombe sur un Scarce, c'était le 36 je crois, donc pour être milieu des années 90, et je lisais plus de comics depuis quelques années, et je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser aux comics, mais pas en les lisant. La revue m'intéressait, mais j'avais pas envie de lire des comics. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant, je pensais pas qu'on pouvait écrire des choses comme ça là-dessus. Et puis du coup, il parlait de ce qui sortait aux États-Unis, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas, et puis plein de séries que j'avais aimées étant gamin, et plein d'épisodes qui avaient été sautés, qui avaient été censurés. Et c'est là que s'est produit une sorte de déclic. Fin des années 90, j'ai déjà lu quelques numéros de Scarce, et je me dis, Rome, j'ai jamais lu la fin, mais en fait, ça s'est continué. Spider-Woman, ils avaient sauté des épisodes, Alpha Flight, en fait, ça avait été massacré, il manque plein de trucs, Power Pack aussi, c'est des séries que j'adorais. Power Pack. J'aimais bien les trucs, les séries. J'aimais bien. Et comme je lisais un peu d'anglais, je me suis dit, je vais aller chercher à la source, je vais aller acheter des comics en version originale à temps libre à Lyon. Et j'ai commencé à acheter quelques séries comme ça, des vieux trucs en fait, j'ai récupéré des vieux numéros pour voir comment ça se finit. Et puis du coup, je voyais ce qui arrivait en nouveauté fin des années 90, le moment où le crash des années 90 était passé, et donc les éditeurs chez Marvel et DC commençaient à refaire des choses sympas, sans crossover, etc. Et bon, comme toutes les personnes nées dans les années 80, qui ont lu des comics dans les années 80, je connaissais quasiment pas DC, l'univers DC, parce que Lug, c'était du Marvel, quoi. Tout à fait. Et je me souviens, c'était l'époque où il y avait le crossover, un événement 1 million, où en fait, il sortait un numéro 1 million de chaque série en se projetant 253 siècles plus tard, comme si on arrivait au numéro 1 million d'Aquaman et tout. Et j'avais acheté tous les numéros. Donc, il y avait 52 ou 60 numéros. J'ai tout acheté, je me suis dit comme ça me donnera un peu une vue d'ensemble de toutes ces séries, puis je piocherai lesquelles m'intéressent. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à DC, à la Légion des Super-Héros. Je suis devenu super accro à la Légion des Super-Héros, et ça correspondait pile au moment où Olivier Coipel est arrivé dessus, avec Adam Nett et Andy Lanning. Vous ne pouvez pas rêver mieux. J'ai accroché à Lucifer de Mike Carey. Il relançait Alpha Flight sous un nouveau volume. Et puis du coup, le virus est revenu beaucoup plus fort qu'avant, mais sans lire de la VF. J'étais passé à la VO. Et là, je découvrais plein de choses. Je me suis intéressé du coup à l'histoire des comics. J'ai commencé à proposer à Scarce d'écrire des articles. Puis ils m'ont dit, tu veux pas faire de la traduction? Puis tu veux pas faire les éditos sous pseudo? Puis tu veux pas t'occuper de cette chronique sous pseudo? Et puis ça y est, c'était mort, quoi. J'étais sur le forum Buzz Comics avec plein d'autres personnes. On avait créé une rubrique rétro, où en fait on parlait de ce qui s'était passé 25 ans avant, donc on parlait de notre jeunesse, etc. Puis ça y est, le doigt était mis dans l'engrenage, et puis depuis je l'ai pas retiré. Et ça fait combien de temps, du coup? Ça fait ouais, une bonne vingtaine d'années maintenant. Du coup, ça fait ouais, presque 25 ans maintenant que le virus est revenu. Et en fait, c'est très salutaire de stopper pendant quelques temps. Il ne faut pas se forcer, en fait. Des fois, on a une passion comme ça, puis on se dit « Ah, j'ai plus vraiment envie », puis on se force, etc. Et en fait, là, je l'ai revécu un peu à nouveau, parce que pendant 6-8 mois, j'ai quasiment rien lu. Et en fait, ça vous donne un œil nouveau, et vous avez quelque chose de nous. On sort de sa routine, et hop, quand on y revient, on s'intéresse à d'autres choses. Et ce break de plusieurs années m'a été salutaire, parce que franchement, si j'avais continué à lire des comics, que j'étais arrivé à la période la pire, genre 93-94, je pense que j'aurais complètement lâché l'affaire. C'était pas possible. Et là, je suis revenu au bon moment, et non, ouais, c'est marrant. Puis du coup, en 2008-2009, je me suis dit, bah, y a plus de numéro de Scares qui sort, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé voir Olivier Thierry, qui s'occupait de la revue, il m'a dit, oh, on va faire encore 2 numéros, puis on arrête. Et puis j'ai dit, bah non, ça faisait à l'époque 25 ans que ça durait. Je lui ai dit, bah écoute, je comprends que t'aies plus le temps, peut-être plus l'envie. Mais il dit, file-moi le truc. Et puis moi, j'ai la passion, j'ai plein de sujets sur lesquels je voudrais qu'on fasse des numéros. Donc voilà. Et puis Philippe Cordier était avec moi pour la reprise. Ça a été chaud. Et puis, alors chaud, pas entre nous, ça se passait bien, mais la reprise a été chaotique parce qu'on n'avait pas tous les éléments comptables. Il n'y avait plus de compta depuis 2-3 ans, donc il a fallu corriger le tir. La revue perdait. J'ai un tableau quelque part, il faudrait que j'arrive à trouver ça. Presque 1500 euros la première année ou 2000 euros. Et puis, ouf, donc moi, au total, j'avais mis quelque chose comme 4000 euros. Pas d'un coup, hein, je les avais pas, mais en fait, pendant les 6-7 premières années, ça coûtait de l'argent de sortir Scares. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je voyais que la situation s'arrangeait. J'apprenais moi-même de mes erreurs et des erreurs qui avaient été commises avant. Donc, au début, on devait perdre 1005, puis 1000, puis 900, puis 700, puis 500, puis oh, positif. Et puis là, sur les dernières années, ça fait 3-4 ans qu'on est dans le positif. Donc, c'est bien, parce que le but premier, c'est quand même de garder déjà l'esprit de la revue et de faire qu'elle soit pérenne, parce que des fanzines qui durent depuis 40 ans, bah, y en a pas beaucoup, hein, pas plus que les doigts de la main. Désolé, j'ai été un peu long. Non, très bien. Mais du coup, si je comprends bien, tu mettais de ton argent perso pour que ça survive. Oui. Alors, c'était pas apparent comme ça, c'est-à-dire j'allais pas poser un chèque sur le compte, mais en fait globalement j'avançais l'argent, par exemple pour l'impression, j'avançais l'argent pour les envois, et puis c'est qu'après quand je faisais la compta que je voyais qu'en fait j'avais ce qui était sur le compte et ce qui était censé être en caisse espèce, et la caisse espèce était négative, donc en fait Scares me devait de l'argent mais ne pouvait pas me le donner. D'accord. Ouais, faut être quand même vraiment passionné. Faut être un peu taré, hein. Oui. Non, enfin passionné. Il faut avoir une bonne dose d'abnégation quand même. Faut vraiment avoir envie que ça survive. Oui, surtout mais que du bon, coup, je gagnais un SMIC, quoi. Donc c'était pas facile. Mais la récompense est belle quand même. La récompense est belle parce que franchement, j'étais pas sûr, hein, d'arriver à faire qu'une revue qui tire à peu d'exemplaires aussi spécialisée. Arriver à faire que sans aucune aide, parce qu'il faut savoir que Scares avant les années, jusqu'aux années 2002 à peu près, avait une aide du CNL et un numéro de commission paritaire, ce qui fait que la revue était déjà payée quand elle sortait. On aurait pu offrir tous les exemplaires à tout le monde. Et moi, quand je l'ai récupéré, on avait perdu le numéro de commission paritaire, on avait perdu l'aide du CNL parce qu'il n'y avait pas assez de numéros avaient été sortis entre les années 2000 et 2009. Et donc du coup je me suis dit ben, il va falloir que je crée un nouveau modèle économique pour la revue pour faire qu'elle s'auto-finance. Voilà. Et donc il a fallu faire des sacrifices, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de dos carré, c'est pour ça qu'on est resté sur un même nombre de pages, on a réussi à quasiment pas augmenter le prix, ça c'est bien, et puis on a réduit de beaucoup le tirage, parce que je peux vous dire que le tirage était vraiment trop élevé. Moi j'ai récupéré des stocks monstrueux de Scares, des centaines et des centaines d'exemplaires, donc c'était et puis les il y avait une confusion. Moi, je me souviens d'avoir communiqué, par exemple, avec des personnes, leur dire, ils me disaient, combien il y a d'abonnés? Je me disais, bon, ben voilà, il y a tant d'abonnés. Ils me disaient, waouh, ça a vachement perdu, Scarce. Non. C'est qu'en fait, avant, dans les chiffres qui étaient donnés, quand on parlait d'abonnés, ils comptaient les gratuits qui étaient offerts D'accord. aux personnes. Ils comptaient tout ce qui était offert aux contributeurs de la revue. Forcément, si on ajoute ça, moi, je compte que les abonnements payants. Et j'ai deux questions. Oui. J'ai deux questions. Si tu devais présenter Scarce à des gens qui ne connaissent pas du tout le magazine, est-ce que tu pourrais expliquer, oui, basiquement, qu'est-ce que c'est, quelle est la ligne éditoriale, à quoi ça sert quand on aime les comics de lire Scarce? Alors, le but de Scarce, c'est un petit peu de former une sorte d'encyclopédie critique de la bande dessinée américaine, sans rapport avec l'actualité, avec à chaque fois, en un numéro ou deux, on traite d'un sujet à fond. Donc ça peut être soit une série, ça peut être soit un artiste, ça peut être une ligne éditoriale, ça peut être une maison d'édition ou un courant. Je peux vous donner des exemples. Là, par exemple, on prépare un numéro sur les Spider-Woman. Donc, toutes les versions féminines de Spider-Man qui sont parues, toutes les séries Spider-Woman. Comme exemple de maison d'édition, on a fait récemment un numéro sur l'éditeur canadien Speakeasy, qui avait duré que 12 mois, mais où il y a plein de petits bijoux qui sont passés par là-bas, et puis plein de choses un peu singulières. Comme courant, on a fait un numéro, par exemple, sur les comics d'arts martiaux, donc tout Richard Dragon, Iron Fist, Karate Kid, plein de trucs différents. Et puis ça peut être sur des artistes, c'est les numéros les plus passionnants, hein, l'artiste, mais ça demande vraiment beaucoup de boulot. Donc, on a fait des numéros sur Mike Carey, sur Dan Abnett et Andy Lanning, sur Ernie Colonne. Et donc au final, ça forme une sorte de, ouais, comme une sorte d'encyclopédie. Alors sachant que c'est une manière un petit peu particulière de parler des comics parce que il y a de la subjectivité. C'est-à-dire, on essaye d'approcher de manière critique les comics, mais il y a de la subjectivité, mais qui essaye d'être argumenté. Donc, forcément, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais c'est pas dommage. C'est pas gênant si on n'est pas d'accord, parce qu'en fait, c'est juste que les arguments qu'on a avancés ne sont peut-être pas valables pour vous, mais vous savez du coup pourquoi vous n'êtes pas d'accord, plutôt qu'une critique qui dirait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors, et ça fait des arguments. Le débat. Oui. Et puis bien sûr, alors nos choix de sujet, encore plus depuis l'arrivée d'Internet qui a quand même changé la donne, on traite de choses qui ne sont pas traitées sur le net. Par exemple, on ne va certainement pas faire de numéro. Par exemple, ça serait complètement con de faire un numéro sur Frank Miller actuellement. On trouve tout ce qu'on veut sur Frank Miller, plein de bouquins, plein de choses écrites sur le net. On préfère aller chercher des sujets vraiment très précis qui n'ont même pas été traités aux États-Unis. C'est-à-dire, personne n'a jamais écrit de manière conséquente plus de 2 pages sur Speakeasy, alors que c'est passionnant. Il y a la mémoire d'Internet, la mémoire du comics game français, le French Geek qui nous dit dans les premiers scares, certains articles étaient pour et d'autres étaient contre sur le même sujet, et c'était une formule très intéressante. Tu sens l'appel du pied ou est-ce que ce serait possible de faire ça actuellement? Je sais pas. Alors. En plus, je vois quel article ils peuvent. Par exemple, je pense qu'on a fait ça peut-être sur Miller ou sur Moore, dans les années numéro 50 à peu près. Alors, il faut savoir aussi que les premiers numéros de Scarce étaient très polémiques. Si vous ouvrez les premiers numéros de Scarce des années 80, il y a même des insultes carrément envers les créateurs. Alors, ça, forcément, c'est quelque chose. On évolue avec le temps, etc. On apprend à avoir un regard plus posé, etc. Même si on n'aime pas le travail qu'a fait quelqu'un, bon, ça ne sert à rien de... Il n'y a même aucun sens pour le traiter de connard. Oui. Alors, ce qu'on a peut-être, effectivement, c'est pas faux, un peu perdu avec le temps, du coup, c'est aussi la disparition du courrier des lecteurs, j'en suis 100% responsable, c'est effectivement ce côté où il y avait un dialogue qui s'ouvrait à l'intérieur de la revue. Et ça, c'est vrai que c'est une orientation dont je suis responsable, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait sa place peut-être plus sur le net, sous une forme de chat ou de forum, plutôt qu'à l'intérieur de la revue, où déjà on manque de place. Donc du coup, si on s'amuse, déjà qu'on n'arrive pas à parler de tout, avec le peu de place qu'on a. Donc, si en plus on mettait des doubles avis, bah, du coup, on aurait la moitié qui devrait être expulsée. Mais. Je suis pas forcément sûr que ça apporterait grand-chose d'avoir deux sons de cloche totalement différents. Puisque, de toute manière, quand vous entendez un son de cloche, avec des arguments, vous pouvez facilement deviner quel serait en fait l'avis inverse. Il suffit de basculer le truc. Ouais, mais puis après, faut pas tomber dans le piège de. Déjà, il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile que d'autres d'avoir des avis qui sont très éloignés. Et puis, il y a des sujets où le consensus, il est quand même beaucoup plus rapide. Oui. On va pas se mentir. Mais là où, tu vois, il y a des avis qui sont un petit peu clivants, c'est vrai que je trouve ça intéressant, tu vois, toujours d'opposer, mais le terme opposé est pas le bon, parce que dans opposition, c'est un terme un peu guerrier, oui, tu vois. Juxtaposer de voilà. Deux avis, ouais. Moi, ce que j'aime, tu vois, dans le débat contradictoire, c'est pas qu'il y en ait un des deux qui ait raison à la fin, mais c'est que les deux s'enrichissent de l'avis de l'autre, tu vois. Et c'est souvent, après, en fait, que les gens, ils oublient dans le truc du débat contradictoire. On peut encore voir ça, parce que vous savez que j'ai dit très très peu les articles qu'on m'envoie. Et ça, bon, ça va être sans doute le cas peut-être dans le Spider-Woman qui va sortir. Certaines périodes sont confiées à certains rédacteurs. Et en fait, souvent, on fait référence aux périodes précédentes ou aux périodes à venir. Et on peut voir des avis divergents, mais ça tient en quelques lignes. Moi, forcément, je suis assez amoureux et admiratif des premières aventures de Spider-Woman. Donc du coup, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus critique pour ce qui a été fait après ou plus récemment. Et puis du coup d'autres personnes ont une autre vision du personnage et de ce qui a été fait par les différents scénaristes, mais alors oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait l'avis qu'on donne, c'est pas censé être un avis qui fait foi, c'est pas du tout ça en fait le but du truc. J'ai absolument horreur en fait de c'est pour ça qu'on le fait pas, c'est de dire il faut lire ça quand vous attaquez aux comics. Non, mais lisez ce que vous voulez, vous vous en foutez. Si un truc a eu du succès, s'il n'en a pas eu, on peut lire tout dans n'importe quel ordre. Franchement, les comics, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Moi, j'ai arrêté, j'ai repris, je me suis attaqué à DC, j'avais jamais rien lu de DC. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment arriver à suivre avec toutes les numérotations, les changements de nom-titre, alors que c'est le même titre. Mais c'est quand même un milieu où il y a une telle variété, tellement de titres différents, de périodes différentes, on peut toujours arriver à s'engouffrer d'une manière ou d'une autre dans un univers. Il suffit de trouver la bonne clé. Voilà. Tu vois, en faisant des vidéos, forcément, t'as des gens qui viennent te voir en te disant, mais j'aimerais bien commencer les comics, qu'est-ce que tu me conseilles? Malin, va. Qu'est-ce que je te conseille? Qu'est-ce que t'aimes? Enfin, voilà. Et généralement, ce qu'on conseille tous, à peu près les uns les autres, c'est d'essayer peut-être de trouver un héros, un style, un univers vers lequel tu puisses avoir un peu d'appétence, une certaine attraction, et puis d'essayer de tenter le coup et de pousser la porte d'une librairie, d'aller demander des conseils, de regarder, faut tenter des expériences. Le fait est que maintenant le prix a augmenté et que les expériences commencent à devenir un petit peu chères. C'est vrai que, enfin, surtout là, j'ai vu qu'il y a encore des augmentations de prix pour la VF. Moi, j'achète pas de VF, hein, etc. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un peu devenu un produit presque de luxe, mais qui en plus nécessite maintenant qu'on achète beaucoup de choses pour arriver à comprendre ce qui se passe. Je veux dire, il faut être un millionnaire pour arriver à suivre les titres Batman. Ou ne suivre que Batman. Ou faut suivre que ça va être un monomaniaque. Sauf que derrière. Enfin, c'est quand même compliqué de lire tout le temps la même chose. On peut y trouver son bonheur, et c'est pas la question. C'est vrai qu'à titre personnel, tu vois, si je devais lire tout le temps le même super-héros, ce serait un peu compliqué, quoi. Enfin, ce que j'aime bien, c'est l'esprit d'ouverture, de rencontrer des univers vers lesquels tu n'étais pas forcément attiré de base, et puis tu vas tenter le coup, et puis c'est une belle rencontre, une déception, mais tu en retires quand même quelque chose, parce que tu apprends même des trucs que tu n'as pas aimé, et voilà. Je voulais te demander un truc, vas-y, dis-moi. Oui. Sinon, il y a autre chose qui m'est venue, qui est important aussi, c'est que, alors moi je sais que c'est ce que je fais quand j'écris et que j'essaye d'inciter les autres à faire, et qui je pense est une approche critique qui est très valable, c'est à partir du moment où quelqu'un vous parle de quelque chose, d'un comics qu'il a aimé, etc., et ne lui trouve aucun défaut, il y a anguille sous roche. Parce que et je pense qu'en fait la meilleure critique, c'est quelqu'un qui arrive à mettre en avant les forces d'un récit, mais qui parle aussi des faiblesses. Parce que s'il a réussi à déceler les faiblesses, il dit « Ok, il y a ça qui est peut-être un petit peu faible, etc. » Mais, regardez, il y a tout ça à côté, et c'est ça qui tire le récit vers le haut et qui en fait quelque chose de magnifique. Parce que, je vais prendre un exemple. Par exemple, Alan Moore, on a l'impression qu'il peut écrire tout n'importe quoi, tout le monde va dire « c'est un génie ». Alors oui, c'est un génie. Mais il est comme tout le monde. Il y a des choses qui sont moins bien dans des choses qu'il va écrire, certaines particularités qui ne sont pas forcément très attrayantes. Et à l'inverse, il arrive à tirer vers le haut en jouant sur d'autres aspects. Mais il faut arrêter de... Enfin, faut pas dire que tout ce qu'il écrit est bien sur tous les aspects. Personne, ça n'existe pas. On a tous des qualités, des défauts, des forces et des faiblesses. Et tu vois, sans citer de nom, mais j'aimerais bien avoir ton avis, tu vois, sur la question. Mais j'ai un collègue youtubeur qui n'a pas qui a lu Watchmen, qui est un jeune lecteur de comics, qui a lu Watchmen et qui a détesté. Il a pas du tout aimé. Et nécessairement, dans les commentaires, il y a tout un tas de gens qui sont arrivés, qui commençaient à lui dire que c'était un con, qui connaissait rien aux comics, que s'il aimait pas Watchmen, c'était un abruti, qu'il avait pas de goût, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à la fois à quelqu'un qui aime pas Watchmen, c'est son droit le plus strict, et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui lui tombent dessus en lui envoyant des injonctions, tu dois aimer Watchmen, si tu lis des comics, tu dois aimer absolument Watchmen. Il n'y a pas de tu dois. Ça, c'est une attitude que je comprends pas. Que ce soit un classique, que ça marque effectivement quelque chose dans l'histoire, ça a révolutionné le monde des comics pour certaines raisons. Donc on peut ne pas aimer, il faut aussi comprendre l'importance historique que ça a eu, mais c'est pas parce que ça a eu une importance historique qu'on est obligé d'aimer. Je veux dire, il y a des films qui ont révolutionné le cinéma, on n'est pas obligé de les aimer. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la première trilogie Star Wars, ça a révolutionné le cinéma, mais vous pouvez très bien détester ça, parce que effectivement, c'est aussi bourré de défauts comme toute œuvre. Si ces défauts-là, pour vous, sont totalement rédhibitoires, après, il faut comprendre qu'est-ce que ça a changé dans le milieu du cinéma, pas forcément pour le bien non plus, mais c'est-à-dire, oui, c'est ça, en fait, l'injonction de dire « tu dois aimer », c'est ça, en fait, qui pose problème. Si les gens lui avaient dit « Watchmen, ça a changé la manière dont on fait les comics parce qu'à l'époque, c'était révolutionnaire pour ces raisons-là, ces raisons-là, ces raisons-là. Si quand tu le dis, tu perçois justement que ces choses-là sont différentes de ce qui s'était fait avant et pourquoi ça donnait du coup de la valeur au récit, là c'est intéressant. Mais après, si la personne forcément n'a pas lu ce qui s'est fait avant et que finalement tout ce qu'a apporté Watchmen comme révolution, pour lui c'est quelque chose de normal, effectivement il va se dire pourquoi vous en faites tout un foin. Il va peut-être trouver une narration un peu datée, des dessins un peu datés, et puis il va s'arrêter là-dessus et voilà. Mais c'est comme ça, les films de space opéra. Si vous regardez le premier film de space opéra vraiment qui a un peu changé la donne, forcément, vous allez le trouver vieux si vous ne connaissez rien de ce qui a été fait avant. Forcément. Forcément. Et c'est d'où l'importance aussi de replacer les œuvres dans le contexte dans lequel, en fait, elles ont été créées. Et ça, ça en fait, c'est super compliqué parce que déjà le contexte, bah, y a plein de gens qui ne le connaissent pas forcément et c'est pas grave en soi, mais c'est, mais je trouve que c'est super important de se renseigner sur ça. Et c'est là où j'attends beaucoup, bah, notamment tu vois des éditeurs. Pour qu'il y ait un travail éditorial derrière, un travail d'explication, soit à l'intérieur même du bouquin, soit sur les réseaux sociaux, soit via leur plateforme de communication, enfin leur choix propre, mais pour replacer dans le contexte une œuvre. Tu vois, ça c'est un truc où je trouve qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne jouent pas assez le jeu de ça avec des récits qui sont pourtant considérés cultes par des anciens lecteurs de comics. Je te donne un exemple tout bête, mais j'en parlerai. Un peu plus, tu vois, dans une vidéo plus tard, hein, dans quelques semaines, j'espère. J'ai lu le premier tome de Animal Man par Alan Moore. Et je pense que, tu vois, l'éditeur devrait fournir un petit peu plus un travail d'explication pour essayer déjà d'attirer les lecteurs vers ce bouquin-là et aussi pour expliquer un peu les enjeux autour. Que c'était le premier travail de Grant Morrison, qu'il est arrivé, dans quel contexte il est arrivé, après que Alan Moore ait réussi sur Watchmen, qu'on cherchait des auteurs anglais en se disant il y a certainement d'autres anglais qui doivent être timbrés et qui peuvent faire des trucs absolument géniaux. Expliquer un petit peu, tu vois, ce qui se passe derrière simplement les épisodes qu'on propose. Et c'est parce qu'au final, enfin tu me donneras ton avis là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi important pour toi maintenant l'histoire que ce qui s'est passé en fait autour, que l'histoire autour de la création du comics? Je sais pas si elle est super claire ma question. Alors, il y a des choses passionnantes. Voilà, tu parlais de l'Animal Man de Grant Morrison. Le contexte des fois donne effectivement plus, enfin même l'histoire des fois autour. Je donne un exemple. La Légion des super-héros, à un moment, ils ont fait un saut de 5 ans et Giffen il est revenu plusieurs fois sur la série et ils ont transformé ça en truc très dark. Il n'y avait plus du tout de costume de super-héros, c'était un truc de science-fiction. Ils se parlaient même plus en code de super-héros, ils donnaient tous leurs prénoms, etc. Un truc très complexe, mais vraiment génial. Et puis, il y a eu une perte de soutien de la part d'DC, Kate Giffen était sur la série, et à un moment, il en a eu marre, en fait, que DC ne soutienne pas la série, etc. Et puis, il s'est barré. Il a laissé les deux autres co-scénaristes qu'il avait amenés, Tom et Marie Bierbaum. Et puis, finalement, il est revenu, et puis il a dit, puisque c'est comme ça, ils ne nous prennent pas au sérieux, etc. On ne voit pas de soutien. On va faire péter la Terre. Vu que ça se passait dans la Légion, c'est déjà le futur. Et là, c'était 5 ans encore plus tard. Et il sait ce qu'il a fait. Je ne connais pas d'autres comics ou de super-héros où finalement, la Terre a explosé. Et du coup, il n'y avait plus que des cités qui étaient reliées les unes les autres par des dômes. Et il s'est barré là-dessus. Sur ce numéro où du coup de rage il a fait péter la Terre. Et du coup c'est le contexte qui finalement donne du sens au comics mais qui lui-même arrive quand même à de la valeur. Il y a plein de choses comme ça, c'est assez passionnant, ouais, de pouvoir rattacher aussi au contexte historique. Ouais, après c'est, enfin, moi c'est vraiment le truc qui me passionne en fait aussi derrière, c'est d'essayer de comprendre comment ça s'est créé, les références qu'il y a derrière et ce genre de choses. Et de temps en temps, on va pas se voler la face, on a besoin de gens qui ont de l'expérience pour pouvoir nous expliquer des choses. Et d'ailleurs, ça me permet, tu vois, de faire une petite transition parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens. Il y a quelques mois déjà, il y a un hors-série chez Scarce qui est sorti à propos de Mister Miracle. Ouais. Il y a énormément de gens autour de moi, tu vois, qui ont adoré Mister Miracle et j'ai adoré ce hors-série. Il était absolument génial. Merci, parce que c'est une première. C'est Frédéric Miranda Béraud qui s'en est occupé. À l'origine, ça devait être un article qui devait passer dans le Scarce spécial Tom King. Puis quand je l'ai reçu, je lui ai dit, mais c'est un peu long finalement. Si on passe dans Scarce, bon, on va être obligé de virer la moitié du numéro, puis du coup, il y aura plus grand chose sur Tom King. Et je me suis dit, si on a créé ces trucs, ces hors-série, grand format, c'est un peu pour. Je dis, on peut tenter, pourquoi pas essayer de faire un one-shot comme ça, juste sur une série. Alors, moi, c'est moi qui ai rajouté un peu le prologue quand même pour très vite plonger les gens, dire qu'est-ce qu'il y avait eu comme série avant, mais de manière vraiment très succincte. Et puis, on a essayé de faire un truc un petit peu plus graphique. Ça, c'était une orientation, par exemple, que Philippe Cordier, dans laquelle Ovidie Perdue aurait voulu faire passer la revue. C'est ce qui a fait, je pense, qu'il a, en partie, qu'il s'est un peu plus éloigné de la revue. Il continue à avoir une chronique hein, dans la revue, mais je pense lui voulait plus faire aller la revue vers quelque chose de très graphique et moi plus vers l'analyse. C'est pour ça que du coup il y a des parties graphiques de la revue qui ont été supprimées pour pouvoir mettre plus d'analyse et être plus complet. Mais merci du coup, c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'on pourra. Et en plus, c'est le premier scare totalement en couleur. Aussi. Ouais, et non, puis il est magnifique. Et niveau coût, c'est intéressant parce qu'en fait, on aurait pu mettre plus de pages, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc, la prochaine fois qu'on fera à nouveau un scarce tout en couleur, parce que forcément, il y avait moins de pages qu'un numéro classique, mais le papier était un peu plus épais, on pourra mettre, je pense, facile 8 pages de plus. Donc, c'est intéressant. Du coup, c'est un peu une forme de test. Du coup, je vais pouvoir spoiler. Vous savez que c'est quand même dans relativement longtemps. On en est au numéro, on prépare le numéro 93 de scarce. Maintenant que la revue se suffit à elle-même, maintenant que j'ai un peu d'argent, je vais à nouveau pouvoir investir dans la revue. Ça ne m'a pas suffi. Hein. Les 4000, finalement, je les ai récupérés. Je me dis, du coup, je vais pouvoir remettre, vu que ça a marché une fois, je vais pouvoir tenter d'autres trucs. Au numéro 100, on va changer la formule de scarce. On fera des scarces plus épais. Totalement en couleur, c'est un peu l'idée. D'accord. On sait pas encore. On sait déjà tous les numéros qu'on va faire, hein. Tout le thème des numéros jusqu'au numéro 100. Je sais ce qu'il va y avoir dans le numéro 100. Et à partir du 101, du coup, ça sera des numéros plus gros, en couleur. Voilà. Du coup, on aura plus d'espace. On pourra peut-être se permettre de mettre des choses graphiques dedans, puisqu'on aura beaucoup plus de pages. Et alors, question toute bête, aussi pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion sur les plateformes de podcast, normalement dans la description, j'ai mis le lien de la page Facebook de Scarce. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour vous contacter? Alors, effectivement, c'est pas mal. J'ai ouvert un Instagram aussi, ouais. Tout neuf. Et en fait, j'ai construit un site pour Scarce l'année dernière. Le seul truc, c'est pourquoi il n'est pas actuellement en ligne, parce qu'il a changé d'hébergeur, et aussi parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait être un site marchand, c'est-à-dire vous n'aurez plus besoin de m'envoyer des mails, etc. Vous pourrez commander directement sur la plateforme. Mais pour ça, j'attends d'avoir déménagé sur l'île et d'avoir complètement recréé l'association qui plus personne n'a les papiers, etc. Il faut qu'on la recrée totalement, et je vais essayer de partir dans un courant un peu inverse de celui que dans lequel je suis parti depuis 2009 quand j'ai récupéré les rênes de Scarce. Ça fait globalement depuis 2009, j'ai centralisé le plus de choses possible. C'était plus facile pour moi de m'occuper de tous les différents aspects pour pouvoir contrôler tout et arriver à cette gestion plus saine de la revue. Plus c'était délégué, plus je le filais à quelqu'un d'autre, et moi j'avais de contrôle dessus, et donc moins je pouvais orienter les choses pour arriver au point où on en est aujourd'hui. Et l'idée, c'est un petit peu de partir dans le sens inverse, c'est-à-dire j'aimerais bien, je sais déjà quelle personne je voudrais mettre dedans, former en fait un groupe de 4 personnes avec différentes orientations et qui me soumettraient des choses pour essayer de faire que Scarce soit moins ma vision et soit un truc un peu plus collectif dans les orientations. Donc, il y aurait quelqu'un qui s'occuperait du pôle artistique, quelqu'un qui s'occuperait du pôle rédactionnel. Voilà. Donc, l'idée, ça serait que j'écoute les suggestions et que je sois plus ouvert pour essayer de le lâcher prise. Quelque chose, voilà, un peu de lâcher prise. Mais c'est dur parce que quand on s'investit tellement dans un projet comme ça, forcément, on a envie d'avoir un contrôle total dessus. C'est pas très sain. Donc en fait, j'essaye de faire revenir un petit peu de collectif. C'est, je comprends tout à fait. Je trouve que tu vois, les aventures collectives, franchement, c'est les plus difficiles à mettre en place. Mais quand ça marche, je trouve que c'est celle qui te donne le plus de satisfaction. Parce que réussir un tout petit peu en tant que chef d'orchestre à orienter les choses, à réussir à faire travailler un petit peu tout le monde ensemble les uns les autres et essayer de tirer le meilleur de chaque personne qui veut bien te donner un peu de son temps, parce que vous n'êtes jamais que des... Tous des bénévoles. Merci à eux. Et réussir à faire en sorte que tout le monde s'épanouisse là-dedans et avancer tous ensemble, franchement, c'est hyper compliqué, mais en termes associatifs, je crois qu'il n'y a rien de plus épanouissant. Vraiment. Vraiment. Mais c'est la merde. Hein. Courage. Hein. Je te le dis. Ah oui. C'est des personnes. Les personnes auxquelles je pense sont des personnes positives qui sont depuis plusieurs années chez Skers, et elles savent globalement, il y a un ou deux points où elles savent que je lâcherai rien. Je veux dire, il n'y aura jamais d'article dans Skers sur les films Marvel, DC ou compagnie, sur les mugs, je ne sais pas trop quoi, sur les jeux de société. On ne fait pas le produit dérivé. On restera sur les comics. Et puis voilà. Et si jamais, parce que ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, d'après ce que j'ai compris, Xavier, il lui reste des vieux épisodes de Skers, est-ce que je pourrais pas le contacter pour lui en acheter quelques-uns de ces vieux épisodes, c'est toujours possible? Des vieux numéros? Ouais, qui te resteraient. Les gens, ils peuvent encore te contacter, t'en acheter. Oui, tout à fait, j'en ai encore. Sortez les mouchoirs. Il s'est passé deux choses. Forcément, de mon déménagement de Lyon à Lille, il faut savoir que vraiment, j'ai récupéré beaucoup, beaucoup d'exemplaires de l'ancienne période avant 2009. Il a fallu jeter quelques numéros de Skers. J'en ai envoyé à certains revendeurs de Skers et je leur ai dit, filez-les gratis. C'est cadeau, à peu près, je pense, 100 ou 150. Il a fallu que j'en jette pour certains, mais j'ai gardé du coup des quantités raisonnables. Et puis, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. Il y a eu des présidents successifs de Skers, et un des... attends, tu vas pleurer. Qui crie non dans les commentaires. Alors là, le nom va être... parce que c'est rien. Je pense que j'ai dû jeter à peu près peut-être 100, même pas 100 numéros de Skers au total lors de mon déménagement, ce qui n'est pas énorme. Hein. C'était principalement du 71, du 72, parce qu'on en avait trop tiré au début, on n'avait pas d'idée de ce qu'on faisait. C'est à partir du 73 où on a tiré au bon nombre d'exemplaires. Ça va. Et puis du numéro 68, qui n'est pas le meilleur numéro de Skers. Je suis désolé pour les personnes qui y ont contribué, mais bon, c'était un numéro où on n'avait fait que de la BD. Ça a été un peu précipité. Ça n'a rien à voir avec Skers, en fait, globalement. Il y a une grosse partie en fait, du stock que j'avais depuis 12 ans. Ça venait soit de l'ancien distributeur de Skers, Macassar, soit d'un road trip que j'avais fait chez Yvan Marie, le rédacteur en chef de Skers avant Olivier Thierry, qui était resté deux dizaines d'années. Et en fait, quand j'y étais allé, j'avais récupéré presque 2 tonnes d'anciens numéros. Et il en restait la moitié, il restait 2 tonnes. Et puis, la vie avançant, il a fallu qu'il fasse de la place. Donc, il y a, je pense, quelque chose comme 1500 numéros de Skers qui sont partis à la décharge. Ça arrive. Et donc, mon intention, c'était justement d'y aller pour récupérer cette autre moitié. Et en fait, quand je l'ai contacté, il m'a dit, on a tout balancé. il l'avait gardé pendant plus de 20 ans, quasiment. Il n'espérait pas forcément un retour. Mais après, ce n'est pas trop gênant, parce que de toute manière, on lancera à partir du numéro 100 des rééditions des anciens numéros sous forme de gros volumes. Alors, on avancera doucement, hein, on fera 5-6 numéros par an. Et puis, il faut se dire qu'à part, depuis le numéro 73, on a toutes les maquettes. C'est-à-dire, moi, j'ai conservé toutes les maquettes. Les anciennes maquettes n'existent pas, n'ont pas jamais été conservées. Donc, on ne peut pas rééditer les anciens numéros avant le 73. 71, 72, on avait merdé là-dessus. Et puis, la maquette du 71, c'est abominable. Mais à partir du 73, on a tout. Donc, ces numéros, on peut les rééditer. Je l'ai déjà fait, en fait. Des petits retirages de 50 exemplaires quand j'arrive au bout. On va former. Oui, ça sera quasiment tout le temps disponible, ces numéros, entre le 73 et le numéro 100. Puis le reste, on rééditera petit à petit. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vraiment, à contacter Xavier, à lui dire que vous venez de ma part, à l'embêter, parce qu'il adore ça, pas du tout. Donc oui, bientôt, d'ici la fin de l'année, il y aura, je pense pour la relance, le numéro 92, en fait, 93 sortira en septembre. Et je pense que d'ici là, j'aurai pu recréer la sauce et installer une solution de paiement sur le site avec un nouveau compte bancaire. Et donc, vous pourrez commander directement de manière sécurisée. Oui, il faut là, de toute façon, même là, il n'y a pas tellement de problèmes. Non, il n'y en a jamais eu. Ça passe par PayPal, mais enfin, c'est hyper carré, il n'y a absolument rien à dire, hein, vraiment. Et n'hésitez pas. Avant de reparler un tout petit peu de toi, puis on reviendra un peu sur Scarce, hein, parce qu'on est, comme ça. On a encore beaucoup de choses à se dire. Mais. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui disent que les comics, d'une certaine manière, c'est un milieu, notamment en France, qui est assez élitiste. Et c'est assez difficile pour les nouveaux lecteurs, à la fois de se mettre aux comics et à la fois de se faire accepter par les plus anciens lecteurs. Tu trouves ou pas, toi ? Pas du tout. Non. Avec mon exemple, moi je me suis retrouvé sur le forum Buzz Comics, j'avais pas lu les comics depuis 8-9 ans, j'avais pu sortir les pires âneries du monde, non, on s'accueille très bien, non, alors après si on... Alors Internet est un monde un peu étrange, ça c'est vrai, les invectives pleuvent, il y a des mini... groupes qui se forment par affinité, par avis, etc. Il y a des personnalités dans le monde du comics, même français, qui sont assez tranchées. Oui, voire qui l'ont. Et voilà. Et donc, forcément, ça peut former des groupes. Il y a des jalousies qui peuvent apparaître. Est-ce que ce serait pas un peu comme partout, finalement ? Oui. Oui, sauf qu'en fait, comme effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'on est une petite communauté. Alors là, je pense qu'on s'en rend vraiment compte avec le succès du manga. Et puis alors là, quand on regarde les chiffres, quand on nous dit, bon, le marché du comics, c'est 4%, on veut dire... et puis, l'incroyable notoriété des films n'a pas du tout aidé les comics, à part deux ou trois petites exceptions. Mais le marché du comics a rarement été... dans un état aussi catastrophique, mais en même temps, alors par exemple aux États-Unis, il y a quand même plein de choses qui commencent à changer. Il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Puis bon, oui, il y a toutes les histoires, il y a le Comics Gate et tout. Il y a plein de polémiques qui n'ont pas forcément de raison d'être, ou du moins pas d'être montées en mayonnaise autant que ça. Moi, je dis, écoutez, lisez des comics. Aimez ce que vous aimez, et puis on n'a pas forcément besoin de parler en mal des choses qu'on n'aime pas, quoi. Parler en bien. Je veux dire, les créateurs ne sont quand même pas des grosses fortunes, il y a peu de ventes, donc profitez plutôt du temps que vous avez de communication pour parler sur les choses que vous aimez, plutôt que de détruire le travail des gens, même s'ils sont mauvais. Alors moi, tu vois, j'aime bien, pour ma part, en fait, je trouve que la critique négative, en fait, parfois, elle est... Pas parfois. Elle sait être très utile aussi des fois. J'ai beaucoup de mal, moi, tu vois, à écouter parce que je suis hein, des youtubeurs, des chroniqueurs, ce genre de choses, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à suivre, en fait, des gens qui aiment tout, tout le temps, ou qui trouvent que tout C'est un est... peu ce que je te disais ouais, tout à l'heure, c'est-à-dire c'est suspect, c'est-à-dire il y a quelque chose qui... En fait, j'aime pas. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de temps en temps expliquer pourquoi j'ai pas aimé tel truc, mais pour que je puisse en parler, il faut que je puisse un minimum expliquer pourquoi. Pourquoi moi ça m'a pas touché, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui selon mes goûts personnels, eh ben ne fonctionne pas, enfin voilà. Et évidemment, tu vois, si 80% des chroniques que je fais, des vidéos, c'était pour démonter ce que je lis, je me poserais de grosses questions et je pense qu'il faudrait arrêter parce que je serais juste un gros troll, tu vois. Mais il faut, à mon avis, respecter un ratio, mais de temps en temps, c'est pas du tout inutile au débat, tu vois, de dire bah ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé, bah pour telle et telle raison. C'est pas pour descendre qui que ce soit. C'est pas, de toute façon, c'est pas l'idée. Généralement, en plus, les mecs, ils sont au bout du monde. Donc, avant de les descendre, putain, va falloir que je prenne l'avion quand même, tu vois, enfin, mais c'est, moi, je trouve que c'est vachement important d'apporter un peu de contradiction, notamment quand les gens, ils ont tendance à avoir un avis assez, qui fait le consensus. Oh là, ça, c'est génial, ça, c'est absolument trop bien. Et bah, de temps en temps, je trouve que ça fait pas de mal, tu vois, d'apporter un petit peu de nuance là-dedans. Mais après, enfin, voilà, tu vois, chacun voit midi à sa porte, quoi. Et si, mais je suis d'accord avec toi, en fait, pour dire que les comics, c'est pas un milieu élitiste. Je trouve que c'est, enfin, tu vois, moi, j'ai pas commencé à lire des comics en me disant, tiens, qui c'est le scénariste? Tiens, qui c'est le dessinateur? Au début, je lisais mes Nova, je lisais mes Strange, et j'avais envie de lire des bonnes histoires sur les personnages, et puis de passer du bon temps. J'étais ado, j'étais un jeune homme, et c'était pas ce genre de choses qui m'intéressait. Mais au fil des décennies et les années passant, la passion des comics étant restée. En fait, je trouve qu'elle évolue. Et plus on grandit avec cette passion des comics, et plus nos attentes sont différentes. Et on se trouve d'un coup à avoir un peu plus d'appétit pour se dire, mais attends, mais là, en fait, il fait référence à quoi? Il parle de quel type de sujet de société à cette époque-là? C'est quoi le contexte politique aux États-Unis à ce moment-là pour qu'il nous parle, par exemple, je vais dire une connerie, de la guerre du Vietnam, tu vois, à ce moment-là? C'est tout un tas de trucs que je trouve hyper intéressants. Et je trouve qu'à 15, à 20, à 30, à 40, à 50 ans, c'est normal en fait de pas avoir les mêmes attentes, mais les comics peuvent à chaque fois nous donner satisfaction. À chaque fois. Ce sera pas forcément les mêmes lectures. Il y a des trucs que j'ai adorés quand j'avais 15, 20 ans et que maintenant, ben, j'aurais du mal à relire. Et j'ai même pas envie de les relire. Je préfère en garder, tu vois, un souvenir, un joli souvenir plutôt que de retomber dans des trucs qui peut-être vont pas me plaire. Un truc tout bête, j'en parlais avec Bruce du blog Bruce Lee, on parlait des Ultimates. Et j'ai adoré les Ultimates quand c'est sorti. Tu vois, j'avais une vingtaine d'années. Pour moi, j'avais l'impression d'ouvrir un comic, c'est de me dire, mais voilà, mais c'est ça en fait qu'il faut au cinéma. C'est exactement ça qu'il nous faut pour qu'il y ait plus de gens qui aiment les super-héros et tout. Et si je le relis maintenant, je vais pas avoir le même regard. J'y vais pas avoir le même regard. Parce que, c'est pas que c'est pas bien, ça n'a rien à voir, c'est parce que maintenant mes attentes sont différentes, mon expérience n'est pas tout à fait la même, et j'ai peut-être trop idéalisé quelque chose que j'ai pas relu pendant 10 ans. Et c'est pas grave, au contraire, c'est comme si d'un coup, le même bouquin, 10 ans après, t'avais une autre relecture, une autre approche, et complémentaire à celle que j'ai eue 10 ans auparavant. Et c'est super intéressant, je trouve, de faire ce genre d'exercice. J'ai beaucoup parlé là. Ah non, non, non, non, Dès que je suis chaud, je peux le dire. Si je reviens un peu sur toi avec des questions extrêmement terre à terre, Oui. avant de te demander des lectures vraiment extrêmes, phares dans ta vie de lecteur de comics, est-ce que tu es plus là, maintenant, tout de suite, est-ce que tu es plus Marvel, plus DC, ou un peu plus ce qu'on appelle vaguement les indépendants? Allez. Je n'achète quasiment plus rien chez Marvel et chez DC. Enfin, ça n'a pas été une rupture franche, mais Le New 52 a été une belle catastrophe. Je trouve un sacré bordel. Et en fait, les coups de... les pauvres coups de colle qui ont été redonnés à peu près tous les deux ans pour essayer de faire tenir l'édifice brinque-ballant m'ont jamais vraiment convaincu. En fait, comme tout vieux lecteur, du coup, ce qui me manque un peu par rapport à avant, c'est une sorte de continuité qui fasse sens ou sur laquelle les auteurs s'appuient. Maintenant, globalement, on a une nouvelle continuité à chaque nouveau scénariste qui débarque. Et puis, en fait, ils disent bah, « ça s'est passé, mais ça s'est pas passé ». Mais sauf que les deux sont liés, donc l'un peut pas exister sans l'autre. Et alors je comprends tout à fait hein, les raisons qui sont derrière ça, mais en même temps, on vous balance du multiverse à toutes les sauces. Donc il faut être logique, il faut soit faire un truc simple, et puis on arrête de partir dans ces histoires de dimensions qui sont souvent des Deus ex machina pour des scénaristes un peu feignasses ou des éditeurs feignasses, parce que c'est pas forcément aux scénaristes de se taper tous les 30 ans de comics. Mais on n'a plus, en fait, ces personnes qu'il y avait avant, comme Mark Greenwald ou Mark Waid, qui avaient une vraie connaissance des univers et qui étaient capables de construire quelque chose en faisant référence à une histoire passée. Maintenant, en fait, globalement, on est plutôt dans le schéma inverse, c'est-à-dire le scénariste va raconter vraiment ce qu'il veut. Et puis finalement, tant pis si c'est pas trop raccord avec tel ou tel truc, parce que de toute manière, on a une sorte de, c'est plus de licence artistique, mais voilà, une sorte de continuité très molle, complètement malléable. Et puis ben, Marvel a un petit peu emboîté le pas. Alors après, je picore des choses à gauche et à droite, non. Et moi, en fait, je trouve qu'il y a depuis 3-4 ans, il y a plein de choses nouvelles qui sont tentées par des petits éditeurs qui ont bien des difficultés. Alors en ce moment, j'étais très à fond sur le relaunch d'Archie, qui s'est malheureusement fini en gros saut de boudin après 3 années. Mais c'était tellement prometteur par rapport à ce qu'il faisait avant. Maintenant, c'est catastrophique. Il n'y a même pas 2 titres qui sortent par mois. Il n'y a plus aucun lien dans ce qu'ils font. Les Mighty Crusaders, ils relancent, ils arrêtent. On ne sait plus du tout ce qu'ils font. On doit faire un dossier dessus, en plus. D'ailleurs, c'est moi qui ai lancé l'idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu sadomasochiste. Mais des éditeurs comme TKO, Aoi, Aftershock, Vault, c'est vraiment passionnant de suivre ce qu'ils font actuellement. Et avec Vault, je vois bien qu'il y a un engouement de plus en plus important des éditeurs français pour les séries qui sont parues chez Vault. Et c'est bien. Ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'en France, souvent, on gomme les spécificités de ces éditeurs aux États-Unis. Par exemple, les comics Aoi, il y avait plein de petits bonus. C'est moins le cas maintenant parce qu'ils sont en difficulté financière, je pense. Mais il y avait plein de petits bonus différents, des nouvelles, des backups, qu'il n'y a pas du tout dans les versions françaises. Et pour ce qui est de TKO, alors c'est une sorte de Graal, je ne sais pas. Ils ont eu l'idée qui, sur le papier, semble la plus conne de l'univers, mais qui a un trait de génie, c'est de sortir tous les singles en même temps dans un coffret, plutôt qu'un paperback. Et on vous dit plutôt que vous avez le choix entre la version paperback, ou la version avec les 6 singles, mais vous les achetez pas les uns après les autres. Vous êtes obligé de les acheter d'un coup dans un coffret. Et c'est vous qui rythmez votre lecture. Et c'est absolument magique, en fait, pour les gens qui adorent les singles. Ça redonne un peu de noblesse aux singles qui en ont beaucoup perdu. Parce que globalement, Marvel et DC, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est surtout Marvel, globalement. Ils vendent $4 des trucs où il n'y a plus de couverture, c'est toujours bourré de pubs, alors qu'il n'y a plus que de justification à ce qu'il y ait de la pub. Et puis, il y a moins de pages qu'avant, mais en plus, ils ont quand même augmenté. Ils ont réussi à augmenter le prix tout en diminuant le nombre de pages, qui est quand même un peu magique. Marvel a vraiment fait beaucoup de mal au marché des floppies, c'est eux qui ont tiré les prix vers le haut. Là, on est dans une situation où les indés sont moins chers que Marvel et DC, alors qu'ils proposent des choses qui se vendent beaucoup moins avec un meilleur papier, avec plus de pages et avec un meilleur contenu. Marvel, l'intérêt plutôt pour eux. Oh bah, il l'avait dit, hein, je me souviens, je ne sais plus, c'était il y a 3-4 ans, où ils avaient fait un sommet avec les distributeurs, puis il y avait un truc qui avait fuité, où ils avaient dit, texto, on teste pour voir jusqu'à combien les gens sont prêts à payer pour nos singles. Et je me souviens, ils avaient fait des trucs à beurre, moi, ils avaient fait un truc qui m'a rendu fou, mais fou. Il y avait la série Yokai de Matt Fraction et David Adja qui sortait, qui était très en retard. On attendait les numéros, on disait, mais putain, ça va sortir, ça va pas sortir. C'était sur la fin. Et à l'époque, ça faisait trop. Ils étaient à 3 dollars. Je pense qu'ils étaient à 3 dollars. Le single. Et je me souviens, c'était un bordel monstre. Ils nous avaient sorti le numéro 18 alors qu'ils n'avaient pas sorti le numéro 17. Ils étaient passés de 16 à 18 avec un gros écart entre les deux. Puis après, ils avaient sorti le 17. Non, merde, on s'est planté. Et plus du tout de régularité dans le truc. Et je crois qu'il restait deux numéros peut-être sur le dernier arc qu'ils étaient en train de publier avant que Fraction s'en aille. Et c'était très, très, très, très, très, très, très en retard. Je veux dire, c'était interminable. On disait, mais putain, mais finissez-le, Stark. Et ils avaient décidé d'augmenter le prix des deux derniers singles de 1 dollar. Mais c'est pas des chiens, ça. Ils augmentaient les prix quasiment de tout. Et là, ils avaient fait patienter les gens. Ils s'étaient trompés dans la numérotation. Ils arrivent sur la fin. Ils se disent, ah ben allez, on va grappiller 1 dollar de plus. Je suis même pas étonné, enfin, tu vois, c'est très honnêtement, je suis pas étonné en fait de la pratique du. Il y a tellement d'aberrations comme ça pour. Enfin, on voit bien. Hein. À un moment donné, quand t'as pas des millions et des millions de lecteurs, ceux qui te restent, tu vois jusqu'où tu peux pousser le truc pour en faire des vaches à lait, sans vouloir être méchant. Non, mais c'est ça. Clairement. Enfin là, tu vois, on a la crise du papier, le Covid, la guerre en Ukraine qui fait que ça monte encore. Mais sur les 5-6 dernières années qui viennent de passer, en France, on a vu les prix globalement, sans parler d'un éditeur en particulier, mais monter. Et puis c'est terrible. Ce qui est terrible, enfin, je pense que tous les lecteurs de VO s'en sont rendus compte, c'est que déjà il y a eu beaucoup de perturbations quand vous suiviez des indés pendant les mois de Covid, c'est-à-dire des trucs qui ne devaient pas sortir, qui arrivaient, il n'y avait pas tous les numéros. Mmh. Et puis, si jamais vous avez la bonne idée de temps en temps, genre tous les 6 mois, de faire une grosse commande sur des sites américains, il ne faut plus le faire parce qu'en fait, vous faites taxer comme des sauvages maintenant par les douanes françaises. Quoi. Ça passe ouais. Moi, quand ça passe en Angleterre, c'est ça? Non, même pas. C'est-à-dire avant. Alors, je pense que c'est à cause du Brexit, parce que maintenant, effectivement, tout ce qui vient d'Angleterre est taxé. Ouais, et ça. Voire même stoppé, reparti dans l'autre sens, etc. Mais bizarrement, avant, du coup, même ce qui vient des États-Unis, et qui avant passait comme crème, moi, pendant 10-15 ans, je crois que j'ai un seul colis de comics qui s'était fait stopper, qui avait été arrêté par les douanes et qui était taxé. Sinon, j'ai dû en recevoir un 25 qui passait. Et là, il n'y en a plus un seul qui passe sans être taxé, non pas à 5%. Ils taxent à 20%. Puis allez vous faire rembourser les 15% qui manquent. Quoi. Du coup, c'est difficile déjà que le marché du comics en France, c'est pas la fête, mais en plus, vous pouvez même plus suivre, c'est dur de suivre de la VO, quoi. Et puis, il y a des difficultés d'approvisionnement aussi, les choses arrivent en retard dans les magasins de version originale en France. Alors, c'est pas bien grave hein, pour des gars comme moi, mais quand vous prenez des... Il y a des gars qui sont vraiment à fond sur les comics, s'il y a 3 ou 4 jours de retard sur leur série fétiche, ça peut être une raison pour arrêter de commander dans un magasin. Mmh. Et c'est dommage, parce qu'on a très peu de magasins de comics en France, ça serait bien de les garder. Oui, d'en prendre un petit peu soin, parce que c'est suffisamment rare. Quoi. Mais bon, c'est tellement rare qu'à Saint-Etienne, il n'y en a pas. Ah, bravo! Ah, bravo. En même temps, je serais curieux de voir un comic shop à Saint-Etienne, je ne suis pas sûr que ça tiendrait très longtemps. Hein. Sincèrement... un peu compliqué. Tu veux peut-être en monter avec Avec Gelmast. Avec qui? Un jour, il faudrait que j'essaie de le croiser. Je le suis sur les réseaux sociaux et de temps en temps, bah ouais, je vois bien qu'on est dans le même coin. Mais je l'ai jamais croisé. Ouais. Je l'ai jamais croisé. Et pourtant, je pense que tu dois bien aller à des Bulles et des Hommes ou des trucs comme ça. Il n'y a pas non plus 150 000 endroits pour les amateurs de comics, de bandes dessinées, de mangas. C'est soit ça, soit la Fnac. Donc, c'est soit... Ouais, il doit d'ailleurs y avoir 2-3 numéros de Scarce à des Bulles et des Hommes. Tu vois, j'ai jamais pensé à les réclamer. Il peut les donner, hein, si jamais. Tu le vois, tu peux lui dire s'il vous reste encore des exemplaires de Scarce, ces cadeaux, offrez-les. Normalement, il doit leur rester 3-4. Je lui ferai passer le message. Je le connais bien. Je fais partie des bons clients, hein, du coup. Voilà. C'est ce que je dis souvent, hein. Quand vous rentrez dans une librairie ou le libraire, il vous accueille en faisant ouais, c'est que vous êtes un bon client. Je sais pas si tu le fais dans ta librairie, mais quand tu commences à accueillir les gens comme ça, c'est que généralement, ils passent souvent au tiroir caisse. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé encore? Donc, tu m'as dit que tu préférais les indés, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que C'est des périodes, hein, ouais. Mais oui, là, je pense que, à mon avis, pour plusieurs années, ça va être le cas. Oui, parce que je vois pas Marvel et DC changer d'orientation aussi vite. Moi, comme je dis, tu vois, avec DC, j'attends toujours la prochaine crise. Pour voir si éventuellement, mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, ce que j'attends, c'est ce que j'aimerais, c'est un reboot de l'univers et d'avoir vraiment un univers, une continuité qui se tienne réellement et qui ressemble réellement à quelque chose. Moi, un Batman qui a toujours 30 ans et qui a eu 5 Robins, c'est fini, j'y crois plus, quoi. Et si j'y crois plus, et ben c'est fini. Après, j'ai plus envie de m'y intéresser. Mais bon, il faut passer par des périodes de disette, peut-être de nombreuses années où il y a des titres qui vont peut-être moins m'intéresser pour qu'à un moment donné, tac, il y ait de nouveau un truc qui m'intéresse chez eux. Et puis en attendant, et ben tu vois, je fais des petits retours en arrière, je découvre des titres, soit des rééditions, voilà, des titres que j'ai jamais lus, notamment chez DC. Parce que comme tu le disais, DC, je connaissais pas du tout avant l'arrivée d'Urban. Et donc, y a quand même un paquet de titres très très sympas à découvrir, à lire. C'est un univers absolument incroyable. Hein, entre Crisis on Infinite Earth et les New 52, y a un paquet de trucs trop bien à lire, quoi, vraiment. Et tout univers confondu dans les indés, Marvel, DC, ce que tu veux. Quels sont les récits qui, toi, t'ont le plus marqué ces dernières années? Ah, ces dernières années. Alors, là, depuis, je sais, alors, c'est pas un titre précisément, mais les dernières séries que fait Peter Milligan, chez Aoi, chez Aftershock aussi, il en a fait. Et en fait, j'ai l'impression, et d'ailleurs, je lui ai dit sur Twitter, et il m'a dit qu'il ressentait la même chose, qu'en fait, il est à nouveau dans une... Alors, pas dans une nouvelle genèse, mais il n'a jamais été aussi bon, en fait. Pourtant, il a une longue carrière derrière lui, il a été très bon. Et puis là, je ne sais pas, il fait vraiment il n'est pas sur la fin de carrière, hein, non, mais il est quand même loin dans sa carrière déjà, et il est surprenant vraiment dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Il y a des trucs très spécifiques, comme par exemple Billionaire Island chez Aoi. C'est une telle critique sociale que je connais pas du tout. Globalement, c'est une île où vivent tous les millionnaires entre eux, donc surtout pas de pauvres, etc. Et puis du coup, il va y avoir des représentants d'autres classes sociales qui vont se retrouver dans ce microcosme, et notamment un personnage. C'est très, très, très cynique, mais tellement vrai en même temps. Et puis. Mais comment ils font les millionnaires pour vivre entre eux? Parce que les millionnaires, ils dépendent des pauvres. Eh ben non, là sur cette île, alors c'est très robotisé, etc. D'accord. Bien sûr, il y a de l'exploitation, c'est une petite île. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais non, c'est très très bien amené. Oui, effectivement, de manière, ils sont riches grâce aux pauvres, hein, de toute manière, il n'y a pas de. Mais oui, oui, en fait, c'est une sorte. C'était l'instant politique de la soirée, hein, je vous le dis. Il n'y en aura qu'un, mais voilà. Donc il y a ça. Les récits, enfin tout ce que fait globalement Mark Russell, j'ai pas lu ce qu'il a fait chez Marvel et chez DC, mais j'ai lu sa série pour les sur les robots chez Awa. J'ai lu aussi bien sûr la série chez Aoi aussi qu'il avait fait, qui était devait initialement sortir chez Vertigo sur le retour de Jésus, accompagné de Superman, Second Coming. Mais ça sort en VF ça ou pas là? C'est sorti en VF, le premier volume. Je sais pas s'ils sont allés plus loin. Ils ont appelé ça le retour du Messie, si je me trompe pas. Et je sais plus du tout qui a sorti ça parce que je ne m'intéresse pas au VF. Mais si c'est sorti en VF. Parce que l'île des millionnaires, si c'est sorti en VF, moi ça m'intéresse. Mais je pense pas avoir entendu parler. Je pense qu'ils vont le sortir quand même. Je pense que ça va sortir chez quelqu'un. Je ne sais plus qui a les droits de Aoi en France. En commentaire, ils doivent forcément le savoir. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont sortis sans grand succès, hein, je pense, malheureusement. Je crois que c'est Delcourt qui a sorti. Oui, c'est Delcourt, effectivement, Thierry Manet, qui a les droits de. Ils ont sorti la série de Jamal Eagle, The Wrong Earth, qui est une réflexion, en fait, sur les. Un peu sur la dichotomie entre les comics des années 50, 60, où en fait tout se finit bien, la violence n'a pas de conséquences néfastes, etc. Et puis les comics années 90, en fait, il s'est représenté par deux mondes. Ah, et ben voilà une excellente nouvelle. Millionaire Island sort en septembre. Eh bien. Et ben franchement, je pense que c'est la chose que je recommanderais le plus. C'est... Alors, bien sûr, si vous êtes capitaliste et que un peu situé à droite, bah vous allez vous étrangler. Hein. Non, mais c'est un bijou. Ah ben... C'est dessiné par Steve Pugh. Et pareil, il est incroyable. On a l'impression que c'est une renaissance aussi. Je l'avais vu sur Animal Man, sur plein d'autres choses. Et je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui, pareil, était... Ah. Et du coup, ça sort. Ils ont toutes les infos, c'est fantastique. Incroyable. Je suis un vrai YouTuber, j'ai une communauté. Et ça sort chez Urban, a priori. Ah, très bien. Et bah tu vois, ok, bah, je suis bien content que ça sorte. Je pense que les droits sont séparés, quand ils achètent des séries, chacun achète des séries. D'accord. Et a priori, SN Parrot nous dit en commentaire que Mark Russell a réussi à rendre les pierres à feu pertinentes politiquement. Du coup, il faut absolument que je lise. Je sais qu'il a fait les pierres à feu. Et je me suis dit, est-ce que je vais aller le voir là-dessus ou est-ce que je risque d'être déçu, du coup, je prends le risque ou pas? Bah du coup, j'y vais alors. D'ailleurs, tu vois, la question de SN va me permettre de te poser une double question. La première question, c'est la mienne, et la deuxième question, c'est celle que mon pote Dram, à qui j'ai envoyé le Mister Miracle, que je t'ai acheté, mais je l'ai tellement aimé, et il aimait tellement Mister Miracle que du coup, bah, faut faire vivre ce genre de truc. Du coup, je lui ai offert pour qu'il puisse le lire à son tour, et il a adoré. Il a trouvé ça génial. Et sa question, en fait, c'était est-ce que. Je vais te faire un tir groupé, hein, après tu réponds comme tu veux. Est-ce que tu regardes de temps en temps des vidéos YouTube qui parlent de comics? Est-ce que ça t'arrive? Si oui, lesquelles? Et ensuite, la réflexion que lui se faisait, mon drame, c'est son petit nom, hein, c'est Dramout. Parce que dans le milieu des comics, en fait, sur YouTube, on est comme les super-héros, on a tous des pseudos. Il y a que moi, c'est Jérôme, c'est RSTG. Moi, globalement, je l'ai joué simple, tu vois. J'ai pas d'identité secrète. enfin pas jusque-là, je donne pas mon nom de famille par contre. Et lui, en fait, sa question, c'est sa réflexion qui s'est faite en lisant ce comics, en lisant ton magazine, pas le comics, c'est de se dire, mais bon sang, mais c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais voir en vidéo. Il n'y a plus de vidéos de gens qui font vraiment une analyse poussée, ce genre de choses, et ils trouvent que ça manque un petit peu au paysage des gens qui parlent de comics sur YouTube. Alors déjà, est-ce que tu regardes des vidéos de Français qui te parlent de comics ? Alors, je regarde très très peu. Par accident, des fois, je pense que j'ai dû voir au moins 2-3 vidéos de tous les principaux youtubeurs comics. Et puis des fois, je vais farfouiller. J'avoue que quand ça dérive sur le cinéma, ben, je perds vite mon intérêt. C'est souvent à ce moment-là que je stoppe la vidéo. Je suis désolé. Mais récemment, je ne sais pas pourquoi, je me suis pris de passion. Je pense que vous avez dû voir ça. Il y a une chaîne, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, américaine, où ils font des grosses interviews. Ils ont fait une interview de Jim Shooter qui durait 4 heures ou 6 heures. Et ensuite, ils ont fait un add-on de 2 heures. Et j'ai regardé ça, en fait, quand j'étais en préparation de mon projet de librairie. Et alors, c'est passionnant parce que ben, Jim Shooter, c'est vraiment une personnalité hors norme. Et puis, tu vois, le gars, même s'il n'a plus la même aura qu'avant, tu voyais que les intervieweurs, bah, ils faisaient dans leur froc. Il peut être très sec, etc. Et tu sens que le gars, il a de la poigne, etc. Et puis, tu peux pas lui faire dire n'importe quoi. C'est intéressant de voir la dynamique entre l'interviewé et puis Jim Shooter. Oui, ça m'est arrivé. Alors, par contre, je pense que ce serait totalement indigeste. Oui, merci. C'est exactement ça. C'est Comic Book Historians. Alors, par contre, si vous commencez à regarder l'interview de Shooter, vous n'allez pas lâcher. C'est une cata. Oh, bah, dans la mesure où je parle anglais comme une vache espagnole, je pense que moi, je vais lâcher au bout de 5 minutes, hein, parce que je ne vais rien comprendre. Et c'est mon grand regret, parce que j'adorerais écouter des interviews, même sous-titrées, même 6 heures sous-titrées, je m'en fous, tu vois, je les couperai en plusieurs parties, mais voilà, étant donné que c'est passionnant, Et je pense que ce serait totalement indigeste d'avoir l'équivalent de Scarce en vidéo, ça passerait pas du tout. Mais tu comprends pas. Ah oui, j'en suis absolument persuadé, de même que ce serait totalement indigeste de le présenter sous forme d'article sur le net, ça fonctionnerait pas non plus. Je pense que la densité actuelle des articles et leur richesse n'est possible que sur un support papier actuellement. Faudrait quelque chose de beaucoup plus court pour que ce soit sur le net. Ça serait pas la même approche, je pense. Oui. Il y en a qui réussissent à. Je trouve que la consommation de vidéos, elle a, mais vraiment énormément évolué. Vraiment. Avant, dans ce qui se disait, c'était qu'il fallait absolument que les formats vidéo ils fassent moins de 10 minutes. Mais 10 minutes, c'était déjà carrément trop. Tu vois, il fallait que ça fasse 8 minutes. C'était terrible. Et maintenant, on se rend compte que des émissions de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, eh bien, les gens, ils suivent, quoi. Ils suivent. Mais en fait, ils visent pas la même catégorie de personnes. Tu vas pas viser le mec qui, dans son tram ou dans son. Dans son métro, va regarder son petit truc vite fait sur son téléphone. Là, tu vas vraiment viser des gens qui vont vouloir écouter ça un peu en podcast et tout. La variété est immense maintenant. Je pense que ce serait possible de proposer quelque chose, sauf que ça, je pense que ça n'arrivera pas, hein, pour le coup. Si on prend l'exemple de Speakeasy, par exemple, le numéro qu'on a fait sur Speakeasy, tout ce qu'on a écrit. Faudrait pas qu'on le présente de la même manière sur YouTube. On pourrait faire une présentation des différentes séries très rapide sur YouTube, effectivement, une sorte d'appetizer ou de version courte, mais pas proposer la même chose. Non. Je pense que c'est pas du tout adapté aux médias. Et puis alors, l'autre problème, mais c'est un problème d'orientation, c'est que dans Scarce, j'essaye au maximum de faire que le rédacteur s'efface derrière son sujet. C'est-à-dire, on met pas en avant la personne qui a écrit l'article, c'est le sujet qui est le plus important. Et sur YouTube, c'est obligé d'être incarné, donc forcément, ça va pas avec l'ego. Nico des youtubeurs. Je te le dis de fin. Désolé, hein. Je peux mettre dedans, hein. Il faut que ce soit incarné. Si c'est pas incarné, oui. Ça va pas. Et en même temps, je crois pas beaucoup me tromper. Tu vois, il y a d'autres youtubeurs, du coup, qui sont là. Julien, SN Parod, le French Geek. Je crois qu'on aime ça incarner, tu vois, le truc. Évidemment. Et il y a un côté égo, hein. Même pas un côté, il y a un gros trip égocentrique, faut se l'avouer. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ouais, c'est comme ça. Ça fait kiffer. Et donc, ben écoute, je pense que tu as répondu à la question que Drame se posait. Drame, tu vois, par exemple, mon collègue, il aime pas du tout regarder ce genre de... Enfin, lui, ce qu'il aime, tu vois, il aime les podcasts comme ça et les écouter, par exemple, sur son trajet quand il va au travail. Tu vois, là, je voyais Tanguy qui disait, bah, pareil, au travail, il aime bien écouter des podcasts de une heure et demie. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, tu vois. Alors, pas forcément au taf, parce que, enfin, on peut pas tous écouter des trucs comme ça au taf, mais en faisant des tâches ménagères, en faisant du jardinage, ce genre de choses. Moi, j'ai écouté des podcasts d'histoire ou sur le métier d'avocat des heures et des heures durant en plantant des carottes. C'était génial. C'était génial. J'ai passé. Effectivement, le comic book historien, je l'ai dévoré en faisant du vélo d'appartement. Mais en fait, tout dépend effectivement de la durée. Les petits journaux de French Geek, on peut faire ça le soir, regarder, tac, ça dure, ouais. Ça dure pas longtemps. Et puis, avant de se coucher, on en regarde un. Mais un truc de 2 heures, non. C'est pas du tout la même consommation. Ouais. Si je reviens un tout petit peu au monde des super-héros, est-ce que tu préfères un super-héros en solo ou est-ce que tu préfères une équipe de super-héros? Aucun des deux. En fait, il y a un avantage aux deux. Forcément, on permet de développer plus l'attachement et la richesse des personnages, la personnalité quand on a un héros solo, c'est plus facile. Mais du coup, les interactions sont plus intéressantes dans une... Il y a plus de possibilités dans des comics d'équipe. Moi, j'adore la Légion des super-héros, mais j'adore Spider-Woman aussi. c'est pas entrée ou dessert, c'est entrée et dessert. Ouais, alors moi aussi. Hein, voilà. Merci dans les commentaires de ne pas faire trop de remarques sur entrée, plat, ouais. Dessert. Merci. Hein. Merci. Ouais. Vous êtes bien aimable. Et hormis la Légion des super-héros, t'en as d'autres comme ça, d'autres équipes qui te passionnent, avec une lecture marquante à nous conseiller, par exemple, sur une équipe que la Légion des super-héros, parce qu'on n'est pas gâté en France sur la Légion des super-héros. Oui, c'est vrai. Et puis alors, j'ai vu, ils n'ont pas commencé par les trucs les plus... Enfin, ils ont proposé effectivement la Darkness Saga, ça va même bien. Mais moi, j'ai proposé les... Ça, faut surtout pas lire globalement la Légion des super-héros, ne lisez rien entre 2010 et actuellement, mais vraiment vous allez aller rater alors Alpha Flight, c'est un peu mon vilain petit canard que j'aime bien, où j'espère tout le temps que les auteurs vont réussir à faire quelque chose. Et bon, on a fait un dossier dessus, hein, c'était passionnant. J'ai adoré superviser et puis écrire sur Alpha Flight. Et je me suis même rendu compte il y a 2 jours que j'avais oublié de parler d'une anecdote. Bah, du coup, je vais peut-être la raconter. Je crois que je l'ai pas mis dans les articles. On a fait un dossier sur Justice Machine, qui est une équipe de super-héros des années 80, dont le point de départ, en fait, c'est le bouquin d'Orwell. Et le 1984. Et on a fait aussi un dossier sur Alpha Flight. Et en fait, il y avait un truc qui me titillait. Et du coup, j'ai posé la question au créateur de Justice Machine. J'ai posé la question à Karl Potts quand je l'ai interviewé, quand on a fait le numéro sur Alpha Flight. Et aucun des deux n'a pu me répondre. Et du coup, je crois que j'en ai jamais parlé dans aucun des deux numéros. À peu près à 2 mois d'intervalle. Donc Justice Machine, c'était une série qui sortait chez Innovation. Juste avant Comico. Et là, en l'occurrence, c'est chez Comico. Et dans cette série, à un moment, l'équipe se retrouve à une convention au Canada. Et il y a un gars qui est dans un costume de North Star avec la tête de North Star dans la convention. Donc on comprend que c'est pas censé être North Star parce qu'ils n'ont pas le droit, mais que c'est un gars qui est déguisé en North Star, sauf qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et à un moment, il y a le plafond qui commence à tomber, et il y a un des super-héros qui dit, ah, vas-y, sors, etc., au gars qui est déguisé en North Star, qui se prend un bout de mur qui lui tombe sur l'épaule. Et du coup, ah, il a mal à l'épaule, etc. 2 mois plus tard, dans le numéro d'Alpha Flight, je pense que c'est le numéro, je vais voir à quel point je suis grave, 41, c'est les 2 épisodes où est introduit Kara Kilgrave, Purple Girl, donc la fille du gars violet qui peut contrôler les autres. Et dans la deuxième partie, en 2 épisodes de ce numéro d'Alpha Flight, il y a North Star qui vient sauver justement Kara Kilgrave avec les autres héros et il passe à travers un mur pour venir la sauver. Tous les héros, il y a Vindicator, il y a Pug, etc., ils passent tous à travers le mur et on voit, c'est très bizarre, un petit bout de mur qui est dessiné par-dessus North Star. Et la case suivante, il y a North Star qui dit ah, j'ai mal à l'épaule. Et là, on se dit, bah, attends, c'est quand même dingue que dans 2 comics différents, à 2 mois d'intervalle, chez 2 éditeurs différents, on se retrouve avec North Star qui se prend un bout de mur et qui a mal à l'épaule. Surtout que le truc de l'épaule, on n'en entend plus parler après sur Alpha Flight. Les deux auteurs, ils se répondent en fait. Et bien pourtant, non. Il y avait Bill Monclo, Carl Potts en éditeur, et en fait, ils ne se répondent pas parce que le temps, le numéro d'Alpha Flight était déjà prêt. En fait, 2 mois, c'est trop court. Ou peut-être Donc qu'il l'avait préparé avant. ça voudrait dire du coup que effectivement ils se sont parlé ou que l'un des auteurs de Justice Machine savait qu'il allait y arriver ça et puis que du coup il a dit ah ben moi je vais le faire, tu vas le faire. Bon, Bill Mantlo est mort, on ne saura pas, mais personne n'avait remarqué ça. Et c'est assez hallucinant. Voilà, fait partie des mystères. Voilà, vous trouverez pas ça dans les mangas, moi je vous le dis. Mais donc chercher. De manière, je le mettrai dans le prochain Scarce. On a une petite rubrique au début où on parle de choses qu'on a oubliées, où on parle de l'actualité des précédents numéros. Et je mettrai les 2 séquences, en fait, côte à côte, pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Petite anecdote, vraiment d'ultra geek. Oh là là. Ouais, mais c'est génial ce genre de petites anecdotes. C'est super cool, moi j'aime bien. C'est des bons trucs. Avant de s'intéresser un petit peu à ton deuxième, à ton vrai métier, là pour le coup, j'allais dire à ton deuxième métier, mais si c'est ton deuxième métier aussi, hein. J'ai encore 2 petites questions sur tes goûts pour finir de te cerner d'une manière très simple. Je voudrais que tu me dises, allez, tes 3 dessinateurs favoris. Et tes 3 scénaristes favoris. Et à la limite, pour le dessinateur et pour le scénariste, si tu en as un que tu trouves complètement surcoté, que t'aimes pas du tout, allez, tu peux nous le glisser, c'est cadeau. On dira rien, ça sortira pas d'ici. Alors, dans les dessinateurs favoris, Sal Buscema, je trouve, qui est vraiment sous-coté, ça revient, on commence à se rendre compte de sa valeur, Pour moi, il a produit tellement de pages. Il a des manières bien particulières, en fait, à la fois de montrer les actions, les émotions. Forcément, il a des tics qu'on retrouve qui peuvent faire que certaines personnes, justement, n'aiment pas ce qu'il fait. Mais c'est un peu le gars très rapide, mais qui donnait une copie impeccable, mais qui avait de la personnalité aussi. En autre dessinateur que j'aime beaucoup, il y a Steve Lealoa, qu'on voit Je très connais. peu. C'est lui qui avait dessiné les 15 derniers numéros de Spider-Woman. Il avait fait aussi le début d'une série qui s'appelait Coyote chez Epic. Il a été encreur de quasiment la totalité des numéros de Fable. avec Bill Milligan. Ouais, ouais. Ce qui fait que du coup, bah, il dessinait plus beaucoup. Il a fait des numéros épars de The Dreaming. Il a dessiné l'adaptation du guide du Routard Galactique. Oui, tout à fait. Je le recommande, ouais. C'est... Alors, le French Geek, je suis obligé de répéter pour les gens qui nous écouteraient un podcast après plus tard. Le French Geek nous dit en commentaire, le bouquin sur Salbo Schema par Tomorrow Publishing est excellent. Et je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Et juste pour la petite anecdote, Salbo Schema, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est bien celui qui a dessiné du Spider-Man à l'époque où ça sortait dans les Nova 180. Il a dessiné pas mal sur les premiers et il est revenu après pour un run de presque plus de 100 numéros. Il a fait presque une centaine de numéros aussi avec Bill Mantlo sur Hulk. Il a fait presque 50 numéros avec sur Rome. Miss Hulk aussi, hein. Non. S'il n'a pas fait du Miss Hulk. Il a fait le premier numéro. Non, même pas, c'était... Il y avait Mike Vosberg, mais alors, est-ce qu'il a fait du Miss Hulk? Je te dis peut-être une connerie. Il a peut-être fait un numéro, hein, mais Hulk, en tout cas, il en a fait beaucoup. Ouais. Et sur Spider-Man, c'est magistral. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est dans les Spectacular Spider-Man. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et normalement, il y a une première intégrale qui devrait pas tarder à sortir du côté de chez Panini, mais avec tous les reports, ça a été annoncé il y a plusieurs mois, donc ça se trouve, ça va être décalé et tout. Mais c'est à partir de là où Salbo Schema, il arrive sur les Spectacular Spider-Man, et c'est divin, divin. Enfin, ouais, moi, je suis tellement client de ce genre de truc. Désolé, je t'ai coupé, je te redonne la parole. Alors j'ai dit Steve Lealoa, il y en a 3 millions hein, qui me viennent à l'esprit, mais et alors je sais pas pourquoi, forcément c'est influencé par les trucs que j'ai lus sur lesquels j'ai bossé pour faire Scarce, et là je commence à m'intéresser à un gars que je connaissais pas du tout qui s'appelle Henry Flint et qui avait dessiné une mini-série des Omega Men chez DC dans les années 2000, et il a un style qui est relativement proche de Liam Sharp, période un peu crado, et ça me semble assez intéressant. Là, je viens de trouver chez Astro City un comics qui vient de sortir chez un éditeur indépendant, une adaptation de je ne sais pas trop quoi, du coup je l'ai pris, j'ai reconnu son trait direct. Bon, c'est pas du tout un super favori, hein, parce que je le connais peu, mais en fait c'est quelqu'un, je m'y intéresse maintenant. En fait, souvent ça vient comme ça, je m'intéresse à un dessinateur, pof, ça me permet de découvrir quelque chose, peut-être un éditeur. C'est comme ça, en fait, qu'on navigue. Donc oui, peut-être qu'il n'a pas du tout, il n'a rien à faire peut-être dans cette liste, mais en ce moment, il est dans ma tête. Pour les scénaristes, bah, y a forcément Bill Mantlo, qui est un peu c'est le premier nom de scénariste, en fait, que j'ai reconnu. C'est-à-dire, mes histoires préférées quand j'étais gamin, je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient été écrites par le même scénariste. Alors, il a ses défauts, hein, je les connais. Mais pour moi, c'était un peu une sorte d'électron libre, gros producteur aussi, avec des défauts dans les dialogues, ça c'est évident. Mais le gars, il avait 3000 idées à la seconde, il a tenté des trucs complètement barges, et puis il a créé mais plein de persos. Jim Shooter, d'ailleurs, était très en colère à cause de ça. À un moment, justement, où il y avait un problème, où il savait qu'en fait, il fallait arrêter de créer des nouveaux personnages pour Marvel, ou au moins dire au scénariste, calmez-vous, parce qu'on risque d'avoir des problèmes de droit. On n'a pas vraiment envie que vous créez des nouveaux personnages pour après nous réclamer des royalties 10 ans après. Et lui, en fait, il a pris le contre-pied de ça et il introduisait plein de personnages tout le temps. Donc ça devait rendre Deep Shooter fou, qui d'ailleurs, à un moment, le détestait. Hein. Il y a un compte-rendu du procès. Il y a un numéro du Comic Journal qui est passionnant, c'est que le compte-rendu du procès de Michael Fleischer contre Gary Gross, contre Jim Shooter, et à un moment il parle de Mantlo, et puis il y a des chiffres qui circulent aussi, quel était le salaire. À un moment, Mantlo c'était le deuxième scénariste le mieux payé chez Marvel, tellement il travaillait derrière Chris Claremont. Donc ouais, Bill Mantlo, Mike Carey, c'est dommage qu'on le voit plus trop, mais il revient des fois pour faire des séries. Et puis ben, en ce moment, ouais, Mark Russell, je crois que ça doit être mon scénariste préféré en ce moment, parce qu'il me surprend tout le temps, et puis J'aime beaucoup les touches sociales en fait qu'il arrive à mettre dans tous ses récits. Et puis bah, il a pas peur quoi. Tu veux que je te dise pourquoi j'aime beaucoup tous les choix que tu as fait, hormis Sale Bouche et moi? Vas-y. Parce que c'est que des trucs où à minima je les maîtrise pas, et la plupart du temps en fait je les connais pas. Et ça donne simplement envie, bah, tu vois, de les découvrir et de les connaître. Vraiment. Et c'est ça que je trouve, tu vois, génial, c'est que c'est et pourquoi bah c'est si important Scarce, et si important bah tu vois d'avoir des gens qui soient capables de venir parler de leur goût et de ça, parce que c'est tellement varié, c'est tellement large que du coup, bah j'aime bien en fait que ça déborde de tous les côtés et apprendre des nouveaux trucs. Et quand tu me parles d'un tel et que t'en parles avec passion, bah franchement tu vois ça donne super envie. Ah bah c'est super, merci. Et ah ouais non mais carrément. Et on, avant de passer entre guillemets à la dernière partie de cet entretien, parce qu'on peut pas dire interview, je vais pas me la péter quand même, faut pas déconner, on va dire un petit entretien sympa. Juste en fait sur Scarce, je vais quand même en dire juste un petit mot. Je sais pas si t'as conscience qu'il y a énormément de gens qui font des vidéos sur YouTube, qui font des podcasts, qui écrivent à propos des comics, parce qu'ils ont été influencés par le travail de Scarce. Et qui essayent, en fait, pour en avoir discuté avec un paquet d'entre eux, de se rapprocher un tout petit peu de ce que vous faites, vous, et de le faire avec la même passion. Et voilà, c'est incroyable le nombre de gens qui parlent de comics en France et que vous avez influencé. Et ça, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment balèze. Alors non, on le voit pas parce que en termes d'audience, on reste au même point globalement tout le temps. Je comprends tout à fait hein, que des numéros de Scarce peuvent ne pas passionner les gens, que des gens peuvent dire ah oui, mais les avis qu'il y a à l'intérieur, c'est pas intéressant. Oui, mais vous parlez pas de ci, pas de ça. C'est quelque chose que j'entends tout à fait. Et qu'on puisse, par exemple. Apprécier le travail qu'on fait sans forcément le lire, ou l'acheter ou le soutenir, c'est pas du tout un problème. Mais je pense qu'en fait, ils le font, ces gens que tu as cités, ils le font. En fait, ils font le même travail que nous, simplement sur un support différent. Mmh. Et comme je l'ai dit, je pense pas qu'on puisse faire la même chose que Scarce. Ah non, mais ils le font. Vidéo YouTube. Ce serait des choses totalement différentes. Et c'est ça. Je serais bien embêté, moi, si je devais faire une conversion de Scarce en version YouTube. Mais vous avez suscité des envies de parler de comics. C'est bien, en fait. Globalement, l'idée de Scarce, c'est une idée de mémoire, déjà, parce qu'il y a des choses qui seront totalement perdues si on n'en parle pas. Moi, je suis très, très fier, par exemple, d'avoir fait un numéro sur Ernie Colon, qui est décédé il y a quelques années. Personne n'avait jamais écrit quelque chose de conséquent. Et je suis encore plus fier de l'avoir fait de son vivant. C'est-à-dire qu'il ait pu voir ça. Moi, j'étais allé le voir. Quand j'étais allé à New York, j'avais pris le train, puis j'étais allé le voir. Et c'était j'étais en même temps triste et content de voir... Il était surpris, en fait, que quelqu'un, du coup, à l'autre bout du monde, s'intéresse à son travail, alors que c'est même pas traduit. Et en même temps, j'étais triste parce que je voyais, il avait plein de piles d'originaux qui étaient posées comme ça, brinque-ballant. Il vivait pas du tout dans un fast incroyable, alors que le gars m'a bossé comme un fou pendant des années. J'ai plein d'éditeurs différents. Et en fait, ben, je pense pas qu'il y aura de. J'espère qu'un jour il y aura un bouquin sur lui, mais. Du coup, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas pris sa parole et on l'avait imprimé sur quelque chose qui restera, bah, il n'y aurait plus rien, en fait. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'assume totalement le fait qu'on choisisse des sujets qui ne sont pas forcément très vendeurs, etc. Mais c'est pour qu'il y ait une trace de quelque chose, même si c'est une trace infime, c'est un petit fanzine qui ne paye pas de mine, qui a peu d'exemplaires, qui est en français, mais ça existe. Parce que sinon, ça n'existerait pas. Voilà. Je sais pas, du coup, je suis parti. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et vraiment. Et donner des idées, oui, voilà. Et en fait, voilà, aussi essayer de donner des infos et des envies de lecture. Voilà, si on donne envie aux gens de lire des comics, on a réussi. Si on ne donne pas envie aux gens de lire, s'ils se disent « Ah bah non, mais finalement, j'ai plus envie de lire des comics après avoir lu Scar », c'est qu'on a totalement échoué. Je suis à peu près certain que ça n'arrive pas. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos, qui suivent la chaîne, la mienne, celle de plein d'autres, et qui connaissent pas Scar, comme moi, je ne connaissais pas il y a encore si peu de temps. Très sincèrement. Globalement, il y a un énorme travail qu'on a à faire. On n'a pas été assez présent sur le... Alors, c'est ça qui est bien. Du coup, ça fait un peu transition. Là, avec le fait que j'ai créé ma librairie, j'ai appris à mieux utiliser les réseaux sociaux. J'ai eu énormément de formations. Et c'est quelque chose que j'ai pu mettre à profit pour ma librairie, qui a payé assez vite. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser maintenant pour Scarce, maintenant que là, j'arrive un peu dans une période plus calme, dans ma librairie où j'ai... Ça y est, elle est établie, puis maintenant, il faudra que le truc tourne. Mais maintenant, j'ai envie d'utiliser les connaissances que j'ai acquises et de transposer ça pour Scarce, pour effectivement mieux faire connaître notre travail, avoir un meilleur suivi aussi, parce que le suivi peut toujours être meilleur, pouvoir proposer un site de vente en ligne et être mieux organisé. On peut toujours mieux s'organiser, hein, globalement. Ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai plus du tout les contraintes que j'avais les années auparavant, où en fait, avec mes employeurs successifs, ça pouvait venir perturber Scarce. Alors idéalement, je m'étais dit, ah, ben, maintenant que je suis à mon compte, même avant que quand j'ai préparé ce projet, je m'étais dit, ben, j'aurai le temps pour Scarce, mais finalement, j'avais totalement sous-estimé la charge de travail pour la création. Et là, je suis arrivé en fait au moment où je me dis, ça fait un mois et demi, je me suis dit, ok, pas plus de 60 heures de travail à ma librairie. Oui, je sais, ça peut paraître un peu fou comme ça, mais du coup, j'en faisais plus. Je me suis dit, maintenant, à la 60e heure, je m'arrête. S'il y a des choses que j'ai pas faites, c'est la semaine prochaine. Et en fait, mon deuxième souci actuellement, c'est que je suis pas sur l'île, donc en fait, je fais des trajets l'île Douai tous les jours pour aller à ma librairie, ce qui me fait perdre globalement une dizaine d'heures par semaine. Et là, comme je vais pouvoir déménager sur l'île, ces heures, je vais au moins en moitié pouvoir les utiliser pour Scarce, parce que sinon, j'y arrivais pas, quoi. Du coup, ça faisait 70 heures, il restait quelques heures pour dormir, pour manger. Ah, mais ouais, mais si en plus, toi, tu veux dormir et manger aussi, non, mais on va pas s'en sortir. Le mec, il veut se nourrir. Non, mais non, faut faire des choix. Donc, ouais, c'est mon gros défaut. Je sous-estime tout le temps, les gens se le savent pour Scarce. Je dis, ah, on va réussir à sortir trois numéros en même temps. On va se réussir à faire ci, à faire ça. C'est-à-dire, je promets beaucoup de choses que je n'arrive jamais à faire dans les temps, mais je les fais. Je sais que je les fais. Donc, j'ai promis pour Scarce, ne vous inquiétez pas, je les ferai, mais ça va prendre plus de temps que prévu. Voilà. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore franchi le pas, eh ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Xavier, n'hésitez pas à essayer de vous abonner, vous pouvez récupérer des anciens numéros avec des dossiers à l'intérieur qui peuvent peut-être à un moment donné tac vous intéresser. J'avais notamment récupéré un numéro où il y avait tout un dossier sur la JLA, dans une période où j'avais envie de lire pas mal de JLA, ça m'a mis le pied à l'étrier pour aller lire la JLA de Grant Morrison qui a été rééditée du côté de chez Urban. Tout un tas de trucs extrêmement intéressants, ça m'a donné envie de lire, en parlant aussi avec SN Parod, de lire la Justice League internationale. Alors bon, je les ai achetés, mais je les ai pas encore lus. Mais au moins, l'acte de vente est fait, déjà un petit peu grâce à tous les deux. Et voilà, et c'est, hésitez pas, parce que à la fois, vous allez apprendre plein de choses sur les comics, des choses qu'on ne soupçonne même pas. Vous allez apprendre des choses que vous n'êtes même pas venu chercher à la base. Et pourtant, vous allez repartir plus riche de cette lecture-là. Et en même temps, eh ben, ça permet de faire vivre un fanzine qui existe depuis des décennies et qui parle de comics. Voilà. Si on dit, que le marché des comics, il est petit et qu'il est, il est peut-être un petit peu malade et ce genre de choses, eh ben, il faut aussi soutenir les gens qui, d'une manière bénévole ou pas, si on s'en fout, à la limite, c'est pas le problème, mais pour le coup, c'est bénévole, qui en parle bien, et qui en assure la promotion, discrète mais sincère, depuis des années. N'hésitez pas à essayer de vous rapprocher de Xavier, de Skers, dans les mois, dans les semaines à venir, pour passer le pas et soutenir Xavier, soutenir l'équipe de Skers dans ce qu'ils font si bien depuis si longtemps. Je veux juste aussi insister là-dessus, je ne suis pas tout seul. Vous êtes combien, qui ont fait. Alors en fait, on peut difficilement parler d'une organisation centrale, un truc que je voudrais vraiment créer. On va dire qu'on retrouve à peu près une dizaine de noms qui reviennent souvent, très souvent. Et puis, on va dire entre 5 et 10 autres personnes, où c'est de manière beaucoup plus rare. Ça dépend des sujets, en fait, vraiment. Parce que c'est vrai qu'on a des sujets tellement pointus que... et puis une périodicité où des fois, du coup, les gens peuvent nous oublier et puis ils reviennent. Mais si on prend du coup toutes les personnes qui ont participé à un moment ou non à Skers, on doit bien arriver à une centaine de personnes. Hein. C'est assez fort. Et je suis assez content parce que des fois, j'ai réussi à faire revenir, par exemple, Jean-Paul Genquin qui était là pour les premiers numéros. Et il avait fait un article, par exemple, sur Alpha Flight. Sur la Légion des super-héros aussi, j'avais réussi à le faire revenir. Donc c'est toujours intéressant comme ça. Puis il y a des gens qui sont dans le milieu de l'édition actuellement, qui ont participé à un moment ou à un autre. Il y en a de plus en plus, en fait, c'est assez marrant de les voir, comme même des personnes qui ont fait des vidéos YouTube aussi, qui pareil se retrouvent dans des posts éditoriaux chez des éditeurs, c'est très bien. Le courrier des lecteurs. Dans le courrier des lecteurs, on a des noms qu'on connaît. Il y a des noms, on les voit passer, on dit putain, mais je le connais lui. Oui. Je le connais. Putain, mais lui aussi, je le connais. Et je peux te dire un truc, quand on avait préparé l'émission ensemble, tu m'avais dit quelque chose. Et ça, j'avais envie de le souligner et que t'en parles peut-être aussi. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand t'as repris Skers, t'as retrouvé des gens en fait qui avaient écrit des articles, enfin qui avaient travaillé entre guillemets qui avaient collaboré pour Skers et qui recevaient pas forcément leur magazine quand ça sortait. Et toi, t'as tenu à ce que les gens qui avaient travaillé pour Skers, ben ils reçoivent à chaque fois leur Skers gratuitement chez eux. Bah oui, c'est-à-dire il y a des perses. En fait, c'est toujours assez. Il y a des sortes de statuts différents qui sont. Quand vous avez beaucoup travaillé pour Skers, toujours bénévolement, c'est le point commun, je me dis, bah, ok, après on passe à autre chose, etc. Mais je me suis dit, par exemple, il y avait Dominique Poncet. Je me suis dit, à un moment, j'ai repris les fichiers quand j'ai récupéré le Skers. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas dans les personnes qui reçoivent le. C'est un des cofondateurs, pourquoi il n'est pas dans le nom des personnes qui reçoivent automatiquement Skers? Et puis il y avait deux, trois noms comme ça. Alors ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y avait des pseudos, etc. Mais pour certaines figures que j'ai réussi à recontacter, je leur ai dit, y en a, j'ai réussi à les retrouver. Puis je lui ai dit, tu ne reçois pas Skers, c'est peut-être parce que ça ne t'intéresse pas, etc. Et puis effectivement, souvent ils sont passés à autre chose, mais ils se disent, mais j'aimerais bien le recevoir. Et puis, oui, ils ont une sorte d'abonnement à vie, en fait. C'est normal, quoi. Je sais, Yvan Marie, il faut qu'ils reçoivent tous les numéros à vie, quoi, même si ça dure pendant 50 ans, quoi. Ouais, mais c'est la classe. Et je te dis pas ça parce que t'es là, mais c'est la classe de faire ça. C'est-à-dire que t'es le même mec qui, en début d'émission, me disait qu'il avait mis 4000 euros de sa poche pour que Skers vive, et qui tient à envoyer gratuitement le magazine a des gens qui ont fait Skers dans le passé. Les gens jugeront. Moi, je trouve que c'est classe. C'est classe. Bah écoute, merci. Mais après, il y en a beaucoup qui étaient offerts. Forcément, quand il y avait les Ducène, mais c'est vrai que c'était plus facile, on pouvait tous les offrir. Non, mais oui. C'est-à-dire, je sais que j'aimerais bien pouvoir donner plus aux personnes qui contribuent, parce qu'ils ne sont pas payés. J'essaye de faire qu'ils ont un exemplaire gratuit. Quand je les vois en festival, je leur offre un numéro par-ci, par-là. C'est vrai que je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre plus tard. parce qu'on ne pourra jamais passer à une forme de rémunération. Oui. Mais oui, il faudrait trouver une forme de récompense, je ne sais pas quoi. Parce que oui, bah, c'est finalement, c'est eux qui font scarce. Bon, on a pu me reprocher, effectivement, d'avoir trop centralisé et même d'avoir trop d'écrire trop dans scarce. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé d'anciens numéros et je me suis dit, est-ce que vraiment j'écris beaucoup plus que les autres? Et en fait, pas tant que ça, parce que en fait, moi, j'utilise que mon nom. C'est-à-dire, quand un article, je l'ai écrit, je mets Xavier Lancel. Et en fait, ce qui se faisait beaucoup avant le numéro 50 de Scarce, il n'y avait pas plus de rédacteurs que ça, mais ils utilisaient plusieurs pseudos. C'est-à-dire, sous trois différents noms, il y avait la même personne. Mais pour faire plus de variété, on mettait trois noms différents. Faut pas. Il y a des noms qui reviennent. Enfin, j'aime bien réutiliser les mêmes personnes, etc. Mais après, de toute manière, c'est eux qui se proposent. Hein. On utilise un outil qui s'appelle Slack où en fait on propose des sujets et puis les gens se positionnent. Mais ça demande beaucoup de travail d'écrire des articles, beaucoup d'érudition, beaucoup de recherche. Parce que vu que ça s'adresse à des passionnés, bah faut pas trop écrire de conneries, quoi. Et c'est pas évident. Moi j'en écris, hein. Je sais que j'en ai écrit une il y a pas longtemps. Je crois que je parlais de John et Marie Séverin. Je sais plus. Je leur ai donné un lien de parenté qui n'existait pas, qui n'était pas le bon. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Un procès et puis. Ouais. Et on a une question de Julien qui nous dit, c'est vrai, j'ai même pas pensé à te demander, mais pourquoi ça s'appelle Scarce? Alors, c'est pas moi du tout qui sont responsables, c'est les cofondateurs. Et en fait, donc Scarce, pour les non-anglophones, ça signifie rare et précieux, avec presque un rapport de causalité. Rare, donc précieux. D'accord. Et en fait, ça correspond à, dans le comic book grade, enfin le truc... espèce de catalogue, vous savez, on utilise pour les cotes, avant Wizard, etc. Ça correspond, en fait, à un tirage faible qui, du coup, devient rare et qui vaut de la... et qui est précieux. Ça correspond à un grade spécifique pour les comics. Quelque chose qui a été tiré à peu d'exemplaires et qui a de la valeur. Voilà. D'accord. Je trouve que c'est assez... J'aime beaucoup. C'est balèze. Moi, j'aime bien. Ouais. Parce que du coup, ça fait un lien avec les comics, ça fait un lien avec quelque chose qui est spécifique aussi aux comics, la valeur. Mais oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne changera jamais. Hein. On le garde, le nom. À un moment, on s'est fait doubler sur Google et compagnie parce qu'ils avaient sorti un film d'horreur qui s'appelait Scarce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vers 2006, je crois. Donc du coup, on n'apparaissait plus trop. Mais maintenant, ça va quand on tape Scarce Comics à nouveau. On est là. Voilà donc l'origine. Faudrait que je tape un jour sur Google les rubriques de G pour voir s'il n'y a pas un autre blaireau ou qui aurait recommande. Je recommande toujours de faire des recherches. Et on, par exemple, moi, je fais beaucoup de promotion pour ma librairie en ce moment. Et des fois, on tombe des trucs et puis je ne sais même plus avec qui c'était. Et là, par exemple, pour préparer je ne sais pas quoi. Ah si, je cherchais parce qu'on a eu un article dans La Voix du Nord ce matin. Et du coup, j'ai tapé le nom de ma librairie et j'ai découvert un truc et je me suis vu en vidéo. Je me suis dit, mais ah merde, mais j'avais pas vu ça. C'est un truc en fait qui est sorti il y a un mois. Et effectivement, j'ai souvent des étudiants qui viennent pour filmer des trucs, puis je pense que ça va jamais sortir. Et puis là, ce truc était sorti. Je me dis, ah bah tiens, c'est bien parce qu'une fois, finalement, ce truc. Et en fait, sur la vidéo, en plus, on voit que je pense que ça ne va pas être diffusé parce que je suis avec mon mug de café à la main, avec des yeux comme ça. Mais finalement, c'est super bien filmé, super bien coupé. Ils ont fait un super boulot, donc je vais l'utiliser comme outil de promotion. Mais c'est toujours intéressant, effectivement, de taper pour voir ce qui ressort. Et voilà. Ouais, non, je te recommande de le faire, hein, si tu l'as jamais fait, les rubriques de G. Ouais. Je vais pas le faire maintenant en direct, mais je vais essayer d'y penser plus tard, tu vois, d'aller voir. Ça se trouve, ça peut être marrant. Ça se trouve, j'ai trouvé un monceau d'insultes à mon nom, un truc dégueulasse. J'espère pas, quand même, je ne connais pas, les gars. Non. Non, normalement, non, quand même, ça devrait bien se passer. Et donc, très belle transition à propos de ta librairie. Est-ce que tu peux nous parler de ta librairie? Comment elle s'appelle, déjà? Alors, Crowdfunding, Bonjour les jeux de mots. Alors, croix, comme le cri de la grenouille. Et d'ailleurs, il y a un logo grenouille, une grenouille qui... Je ne sais pas, est-ce que j'ai une carte? Yes. Est-ce qu'on va la... Ouais. Voilà, c'est pas un joli graphiste. Alors, donc, si vous nous écoutez en podcast, là, évidemment, vous êtes un peu plus limité, mais il va falloir nous faire confiance. C'est très joli. Donc, en fait, voilà, il y a une grenouille qui... Alors, ça, c'est le deuxième logo. J'ai plusieurs logos. Une grenouille qui fait croix. Et puis, donc, il y a une bulle. Et puis, funding. Donc, c'est un jeu de mots sur crowdfunding. Et c'est aussi... Pourquoi une grenouille? Parce que, du coup, c'est sympathique, mais c'est un peu singulier. Et ça m'identifie comme français. Et donc, c'est la toute première librairie consacrée uniquement à l'auto-édition. Donc, je travaille avec aucun diffuseur, uniquement directement avec les artistes, uniquement de l'achat ferme. Donc, si effectivement j'ai l'appellation de libraire, c'est totalement différent du travail d'un libraire classique. Du coup, il n'y a rien qui rentre dans ma librairie que je n'ai pas acheté et payé. Et puis, j'essaye aussi du coup de mettre en avant des auteurs locaux des Hauts-de-France, de Londres et de Bruxelles, puisque la librairie est située à Lille. Et l'idée, c'est de proposer, non pas de vouloir remplacer ce qui existe actuellement en librairie, mais c'est de proposer une alternative. Parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de projets qui se font sur les plateformes de crowdfunding comme Ulule, Kickstarter, des créateurs qui se disent, finalement, je suis payé à coup de lance-pierre par cet éditeur qui a le destin de mon bouquin entre ses mains, qui ne fait pas forcément un boulot de promotion génial, qui me demande de faire la promotion de mon bouquin sur les réseaux sociaux alors que ça serait un peu son boulot. Il serait payé. Un diffuseur qui ne fait pas forcément son travail non plus. Et puis pour une rémunération qui, globalement, pour les BD franco-belges, aussi entre 8 à 12% du prix du livre, en auto-édition, c'est 40 à 60%. Donc, du coup, même si vous avez la charge de la diffusion et de l'imprimeur, vous vous en sortez. Et puis vous avez un contrôle créatif total sur votre produit. Vous n'avez même plus besoin de faire l'avance d'argent puisque vous pouvez utiliser les plateformes de crowdfunding et du coup faire avec les systèmes de précommande peut vous mettre en danger financièrement. On voit d'ailleurs de plus en plus de fanzines qui commencent à passer au crowdfunding. Trash Times l'a fait. J'ai vu que Comic Box vient de le faire aussi. Metal Hurlant l'a fait. Alors Skers ne le fera pas. Peut-être au numéro 100, parce que du coup, j'aurais appris à faire des campagnes de crowdfunding. Donc, peut-être que si j'estime que ça peut être intéressant pour la revue, pour qu'elle touche un nouveau public, peut-être qu'on le fera, mais pas avant le numéro 100. Donc, cette librairie, elle est unique. C'est un peu un pari, un peu comme Skers, finalement, quand je l'ai récupéré. Mais sauf que là, c'est un truc qui n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, personne n'y a pensé. Moi, j'ai eu l'idée en 2018, en fait, quand on m'a annoncé mon licenciement économique, qui a mis finalement plus de 2 ans à cause du Covid. L'idée, en fait, c'est de proposer une alternative et un endroit où les auteurs auto-édités peuvent être mis en avant, parce que je suis persuadé qu'en fait, dans les librairies classiques, le fait de mélanger édition et auto-édition, ça ne peut pas fonctionner de toute manière. Ce n'est pas les mêmes circuits, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, j'espère que mon modèle, j'aurai la réponse dans 3 ans, globalement. Là, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que j'arrive à payer mes charges et que c'est quelque chose qui fait sens. Depuis 6 mois, je vois comment ça fonctionne et qui a un vrai appétit. Je suis très surpris, en fait, de voir des gens jeunes. Je m'attendais à ce que mon public soit entre 29 et 56 ans, c'est-à-dire les gens doivent déjà avoir au moins 29-30 ans, être un peu dégoûtés de ce qui se fait dans le milieu classique pour s'intéresser à vraiment ce qui se fait dans le milieu du fanzina et puis tout ce qui est alternatif. Et en fait, non, j'ai des jeunes de 18-19 ans qui viennent. Donc, du coup, je me suis inscrit au Passe Culture, par exemple. à la fin de la troisième année, je saurai si c'est un modèle économique viable pour pouvoir en vivre, moi, me tirer un petit salaire. Et puis, ce qui serait bien, c'est que d'autres personnes aient la même idée. Et puis, copie ce modèle dans d'autres villes, parce que c'est quelque chose qui fait sens au niveau local. Et puis, qu'ils le copient dans d'autres grandes villes. Quoi. Ça serait pas mal. Et à l'heure actuelle, même si on n'est pas de Lille, on peut quand même... Il y a un site, crowdfunding.fr. Tous les produits n'y sont pas encore, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais je suis en train d'attraper mon retard. Mais vous pouvez déjà avoir un bon échantillon. Et vous pouvez effectivement commander directement sur le site, c'est un site marchand. D'accord. Et, alors, ce qui est intéressant pour les fans de comics, c'est que, je vous ai dit qu'on mettait en avant des auteurs des Hauts-de-France, de Londres et de Bruxelles, et donc il y a des comics en version originale de Londres, à peu près une dizaine d'auteurs, et c'est des auteurs qui s'auto-éditent, et il y a de très jolies choses. Et alors, la situation des auteurs anglais est catastrophique actuellement, puisqu'il n'y a pas de marché de la bande dessinée, hein, globalement, en Angleterre. Tous les Anglais travaillent grâce aux États-Unis, les auteurs de BD. Et ce qui se passe actuellement, donc pour les auteurs auto-édités, la plupart de leurs ventes se faisaient en dehors de l'Angleterre. Avec le Brexit, maintenant, tout ce qui sort de l'Angleterre est taxé, lourdement. Donc, ils se retrouvent avec un public nettement restreint et qui ne peut plus acheter vraiment leurs comics parce que ils se retrouvent à devoir payer des gros frais de taxes. Moi, j'arrive à faire... Comme j'ai un modèle économique qui fait que, finalement, peu importe ce qu'on me fait payer en TVA, je le récupère après. Donc, je me prends 20% de taxes. Tant pis, j'ai une petite réserve pour ça. Et puis après, je récupère une fois que je vends le produit, parce qu'en fait, on me le taxe à 20%, moi je le taxe à 5% en retour, puis finalement l'État me rembourse des 15% qui m'avaient surchargé au moment de... D'accord. Voilà. Donc tu finis par retomber sur tes pattes, quoi. Voilà. Il faut juste avoir une petite réserve d'argent pour pouvoir payer les 15% d'avance. T'es plein de projets ? Je pense que je vais m'arrêter là au niveau projet, parce que sinon, je dors pas, quoi. Déjà là, Donc là, le but, c'était vraiment de créer cette librairie, puis de créer une structure qui fonctionne. Là, c'est fait. Maintenant, le but ultime de cet été, c'est faire que Scarce ait une nouvelle structure et que le numéro 92 sur les Spider-Woman et le petit hors-série sur les couvertures de comics sortent en septembre. Je vois aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Et puis, merci à tout le monde pour leur patience. Et pour leur bienveillance envers la revue. Je sais qu'on sort tous les 4 jeudis. C'est quelque chose que j'aimerais. C'est la seule chose que je n'ai pas réussi pour l'instant. Réussir à donner une régularité d'horloger à Scarce. Je ne sais pas si on y arrivera, mais voilà. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas. C'est pas grave, ça. Le plus important, c'est que les gens savent qu'à un moment ou un autre, ça arrive, ça sort, et que ce qui arrive dans leur boîte aux lettres, c'est de qualité. Je pense que ça sera important pour la revue. Ça redonnerait confiance. Et je vois bien, de toute manière, plus on a des périodes longues entre deux numéros anormales, et plus la revue perd un peu au niveau médiatique, au niveau abonné, etc., qu'on récupère après. Donc je sais que c'est quelque chose qui est important pour le destin de Scarce. Après, on est humain et puis on fait du mieux qu'on peut. Alors je te le dis, hein, et c'est totalement bénévole et de bon cœur, à chaque fois que tu voudras faire passer un petit message, si tu as envie que je dise un truc, tu m'envoies simplement un petit message et je m'engage dans une vidéo, un live, à donner des nouvelles de Scarce. Merci. Avec le plus grand des plaisirs. C'est la moindre des choses, voilà. Et c'est... ça fait plaisir, hein, voilà. Donc, t'hésites pas, hein, surtout. Hein. Merci. Enfin, t'emballes pas, hein, si t'as 3 messages à passer par vidéo, ça va pas le faire non plus. Mais fallait que je dise une connerie quand même pour finir, mais t'hésites pas, vraiment. Et merci beaucoup pour ton invitation, en tout cas. C'est moi qui te remercie parce que vraiment, et le French Geek pourrait en témoigner. C'est pas facile en fait d'aborder les gens que tu connais pas forcément et de dire ce que tu voudrais. Et je suis très content et je suis ravi en fait que tu aies pu venir dans cette émission et pouvoir en parler. Je pense que c'est ça tombe au bon moment parce que pourquoi j'ai pas communiqué sur Scarce, parce que j'avais un petit peu honte justement du coup de pas pouvoir consacrer du temps et sortir ces numéros que j'ai promis. Et je m'étais dit je repoussais tout le temps comment communiquer et dire que ok on va revenir. Et puis je me suis dit finalement là c'est l'endroit plein de bienveillance qui me permet de le faire. Voilà. Alors plein de bienveillance, ça dépend des jours. Hein. globalement oui quand même ça va. Globalement c'est plutôt cool ici, c'est plutôt safe comme endroit normalement. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Je sais pas si tu as envie de dire un petit dernier mot avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Bah écoute, je crois que j'ai beaucoup parlé. J'ai mal à la gorge. On m'avait prévenu. Quelqu'un m'avait prévenu, m'avait dit, ah, il faut que tu prévois 2 litres de thé et tout. C'est vrai? Non. Je crois que je n'aurai plus de voix demain matin. Non, non. Que des remerciements. Et puis, félicitations aussi à toutes les personnes qui continuent à acheter des comics malgré les difficultés financières. Parce que, ouais, ça coûte cher d'être fan de comics. Malgré certaines décisions éditoriales qui font que bah, vous vous passionnez pour un truc, puis finalement, vous ne pouvez jamais en lire la fin. Mais bon, c'est... Lisez des comics. Voilà. Faites-vous plaisir. Des petites, des longues histoires du DC, du Marvel, des indés. Il y a nécessairement quelque chose qui peut vous faire kiffer. Ouais, échanger sur votre passion, et puis... Ouais. Et acheter un numéro de Scarf de temps en temps. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est... Offrez un numéro de Scarf. Voilà, c'est bien. Aussi. C'est une bonne idée cadeau. C'est ce que j'ai fait. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, à Dram, mais il était super content. Maintenant, on va le piquer un peu, tu vois, pour qu'il s'abonne. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule, tu vois. C'est la même technique que les dealers, d'accord? La première dose, tu la fais gratos, puis après, tu dis, maintenant, mec, va falloir payer. Ça tient un peu de choses, hein, quand tu vois, qu'on a parlé du parcours. Mais moi, si j'avais pas découvert Scarce, effectivement, et ouvert un Scarce, alors que je ne lisais même plus de comics, pourquoi j'ai acheté ce truc, je sais pas, dans les années 95, alors que je lisais plus de comics. Mais sans ça, finalement, bah, Scarce serait mort en 2007, etc. Enfin, c'est... Ça tient un peu de choses. Un jeu domino comme ça. Ça tient un peu de choses. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Tu reviens quand tu veux pour une autre émission. Enfin, tu es chez toi ici. Hein. Je le dis souvent aux gens que j'aime bien, mais à chaque fois, c'est vrai. Si un jour tu as un message à passer, c'est pareil, tu peux venir. C'est la famille ici. Il n'y a aucun problème avec ça. Merci beaucoup aux gens dans le chat. Vraiment, j'avais peur qu'on soit deux plaies et un tondu avec la finale de Ligue des Champions. Alors, tu connais rien en foot, mais 2h16, c'est l'équivalent d'un match de foot avec prolongation, c'est ça? 90 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais même pas qui est champion d'Europe, mais en même temps. Il y a la pub entre les deux. Donc, je sais pas. C'est pas tellement mon problème. En tout cas, merci vraiment aux gens qui étaient là, qui sont passés faire un petit coucou et qui nous ont écoutés. Merci beaucoup aux gens qui nous écoutent aussi en podcast, parce que les rubriques de G, c'est aussi des podcasts pour d'autres formats un petit peu plus longs comme celui-là. Et ça fait super plaisir de passer par ce biais-là. Je ne sais absolument pas quand je referai un autre épisode d'Histoire de fans de comics, puisque j'avais 2 épisodes en attente qui étaient enregistrés et que je n'ai pas pu diffuser. Donc, il y a au moins une des personnes où je vais mettre un point d'honneur à pouvoir la inviter pour la deuxième. Enfin, on verra, mais en tout cas, bon, bah, j'ai foiré, j'ai fait de la merde. Ça m'arrive aussi de faire de la merde, mais j'ai encore pas mal d'idées de gens que j'ai envie de... pas de mettre en valeur ni de mettre à l'honneur, mais des gens que je trouve passionnants pour tout un tas de raisons et ou qui ont des parcours que je connais un petit peu ou que je soupçonne et qui sont un petit peu atypiques et où j'ai envie de faire un petit focus sur eux pour qu'on se rende compte que même si on est tous très différents avec des goûts très différents, on fait tous partie d'une même toute petite famille de fans de comics. Et ça c'est super important. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Xavier d'avoir accepté l'invitation. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut !